fil, smartphone, manga, jeux vidéo, internet, high-tech, animé, console, série, rétro ou néo. Mais geekez-moi! Salut à tous, c'est Only4Gamies et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mais geekez-moi, épisode numéro 6, présenté par Seb. Salut tout le monde! Et Guise. Salut! Et Only4Gamies, votre serviteur. Avant de commencer l'épisode, je tiens à rappeler que tous les épisodes sont téléchargeables sur toutes les applications de podcast sur Spotify. Vous pouvez nous suivre sur Instagram sur MegeekEtMoi, nous contacter sur Twitter @MegeekEtMoi ou par mail megeekemoi@gmail.com. Et je rappelle également que nous sommes en diffusion sur la web radio playgeek.fr tous les vendredis à 21h. Et au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, quand vous l'écouterez en tout cas, nous allons parler de notre checkpoint, de ce qu'on a fait depuis la dernière fois, du Bordeaux Geek Festival, le quiz qui a été préparé par Guise, notre sentiment sur l'E3, et enfin un petit sujet, des jeux adaptés en film. Et pour commencer, nous allons faire le checkpoint. Guise, c'est à toi. Salut à tous. Alors, moi depuis la dernière fois, j'ai commencé ma terrasse en bois. Mais tout le monde s'en fout. Non mais c'est bien, c'est une news. Mais c'est une news. Voilà. Sinon, niveau jeu vidéo sur la PS4, j'ai fini Days Gone. Ah bien, bravo. Platiné ou pas? Pas encore. Ouais. En cours. On va voir ça. Ouais. Non, tu parles, il aura suivi D3, il va se mettre sur D3. C'est pour ça que tu disais que tu voulais pas te... J'aurais pas D3 tant que j'aurais pas fini Days Gone. Ensuite, un peu de Overcooked. Oui, Overcooked. Ouais, on dit Cooked, moi. Cooked. Je suis français. Je suis Overcooked. Changer, ouais, y a pas de soucis. Ouais, la plus, le mois dernier, ça avait bien plu. Ah, oui, on a bien kiffé. On a encore joué un petit peu avant. Oui, ensuite, niveau jeu vidéo, j'ai rallumé mon PC et j'ai joué à Counter-Strike. Wow. Condition 0. Il a dépoussiéré le PC. Ah, ouais. Le bordel, ça a dû faire bizarre. Qu'est-ce que c'est quoi ce truc? Un jeu vidéo? Je sers aussi à ça. Mais ça m'a rappelé quand même à quel point c'était kiffant de jouer à la souris. Ah, mais ça, je l'ai toujours dit. Pour les jeux des FPS. Ah, oui. Ensuite, j'ai commencé le livre que tu m'as prêté, L'Assassin Royal. Enfin, commencé. Ah bah ouais. Je sais pas si 3 pages c'est commencé, mais j'ai commencé. J'allais lui poser la question, tu vois, je suis content qu'il en parle. Tu lui en as pas parlé? Moi, j'aurais pas dû en parler tout le temps. Ah bah non, je voulais savoir là ce soir. J'ai commencé 3 pages. Après, il fait. J'étais fatigué. Voilà, je l'ai commencé dans des mauvaises conditions. Bah, c'est-à-dire que quand il boit, il peut pas lire. Quand il est fatigué, il peut pas lire. Et quand je dors, je peux pas lire non plus. C'est compliqué. Mais aujourd'hui, après la terrasse. Ouais, non, là, c'est bon. T'as dit combien de pages t'avais lu? 3. Ah oui, tu. Mais j'ai condensé, c'est tout écrit tout petit. Oui, mais oui, c'est un peu comme les chiens. Tu vois, comment dire, en vie de Gizmo, ça fait au moins 3 chapitres. Ah ouais, ouais. Tellement c'est écrit petit. Ouais. Après, c'est vrai que c'est. Mais tu veux ça, te plaît. Je vais m'y pencher. Je t'en prie. Ensuite, Netflix, niveau série. J'avais parlé la dernière fois que je regardais The Society, je l'ai fini. Seb. T'es collé dessus, tu nous en parleras. Je suis toujours sur Lucifer, après je suis tranquille. Ouais, très bien. Et j'ai commencé une nouvelle série que j'ai finie, il n'y a que 10 épisodes, ça s'appelle What If. Ah ouais, j'ai vu le truc passer. Voilà. En anglais, ça veut dire et qu'est-ce qui se passerait si. Oui. D'accord, ça fait beaucoup de mots, je trouve, mais bon. C'est mieux en anglais. Oui. Ouais, mais tu comprends le pourquoi du comment. Donc en fait, c'est. Tu sais que c'est tiré. Ouais, vas-y, je t'en prie, excuse-moi. Vas-y, dis-donc, vas-y. Non, What If, c'est un truc scénaristique que tu retrouves beaucoup, genre dans les comics américains. Et si Superman était. Pas le plus connu, c'est. Et si Superman avait été atterri en Russie. D'accord. Et t'as un comics en parallèle. C'est un What If, tu vois. En parallèle. Et si. Ok. Voilà, c'est tout. D'accord, oui, la série est basée sur ça, quoi. Ça. Et si je prenais cette mauvaise décision, quelles seront les répercussions pour plus tard? Ça peut être sympa. Et c'est pas mal. C'est un truc de meurtre, non? Il n'y a pas un truc dans. C'est un non, peu chelou. Le résumé était bizarre. Non, le truc, c'est que c'est. C'est une femme qui se rapproche d'une jeune qui a sa société. Elle décide de. Elle lui propose un truc. D'investir dans sa société. Mais en échange, elle doit passer une nuit avec son mari. Et elle ne doit pas connaître ce qu'ils ont fait de toute la nuit. C'est prévu dans le contrat. D'accord. Voilà. Ouais, bon. Bon, okay. Ça part d'un bon sentiment. Oui, c'est sûr. C'est bon, il a attendu ton mari. Et pour moi, ça sera tout. Pour toi, ça sera cette tout. Cette fois-ci. C'est pas mal. Bon, on enchaîne par Seb, toi. Qu'est-ce que tu as fait depuis la dernière fois? Donc, qui se l'a dit, Overcook ou Cooked. Donc, du coup, on a même acheté le 2. Ouais, qu'on n'a toujours pas lancé. Qu'on n'a toujours pas lancé. Et on n'est pas prêt de le lancer. Je suis pas sûr. Manga. Non. Manga. Dragon Ball Super. Non. Manga, je me suis mis à lire Dragon Ball Multiverse. Ah ouais, mais sur Internet. Sur Internet. Putain, j'ai lâché à la page 500. Ah putain, il y en a plus de 1000 maintenant, donc... Non, alors attends, j'ai lâché vachement plus. T'en es où? Ah, tu veux peut-être pas... Non, vas-y, tu peux le regarder sur le portable super bien. C'est même l'application. J'ai l'application, j'ai téléchargé l'application, c'est comme ça que je le regarde. Ouais, écoutez, c'est plusieurs univers parallèles dans Dragon Ball. Donc voilà, vite fait, le gros de l'histoire. Donc en fait, ça a été fait par des fans. Ouais. Et des extraterrestres, je sais plus leur nom, viennent avec des Namek rencontrer... Les Balek, comme ça. Je crois que c'est ça, c'est les Balek. Ouais, ça remonte, moi aussi. Ils arrivent pour rencontrer donc Sangoku, toute sa bande. Ça se passe juste à... vers GT, alors ça se passe vers Dragon Ball GT puisque on voit Bra, Pan et tout ça. Ouais. Donc bah, ça se passe par là. Et ils disent voilà, on organise un grand tournoi entre plusieurs univers. Est-ce que vous voulez participer? Bien sûr, ils participent. Comme par hasard, tu vois. C'est et en ça. Fait, c'est des les univers. En fait, c'est des déviations de ce qui aurait pu se passer. Tu vois, le tout à l'heure, et si. Et bien voilà, c'était ouais, c'est ça. Il y en a un où Freezer est le maître de l'univers. Il y en a un où c'est Cell qui a gagné. C'est Cyborg. Enfin voilà. Il y en a un où. Ah bah je vais pas spoiler, mais il y en a un délire, Yamcha est un cyborg. Oui, aussi. Ah, tu t'es tombé dessus? J'ai tombé dessus. C'est délire, c'est terrible. Voilà, donc en fait, et après, donc ils s'affrontent. J'aime bien, ça m'en fout. Ah, si, mais le trait, tu vois, de Gogeta, ah bah, le trait est différent parce qu'il y a des chapitres qui sont faits par d'autres dessinateurs voilà. Que les quand officiels. Quand ils racontent justement les histoires de chaque univers, voilà. Les traits sont différents. Mais c'est sympa. Ouais, ouais. Donc je me lis ça tranquillote, c'est sympa. Putain, ça m'étonne que tu aies pas commencé avant, tu vois. On me l'a conseillé souvent, et, ouais, et c'est là je m'y suis mis, ouais. Film cinéma, je suis allé voir Aladdin. Je voulais juste le signaler parce que j'ai bien aimé par rapport au Aladdin du dessin animé. Ah ouais? Et... ouais, franchement, ouais. Alors moi, d'instinct, il ne m'inspire pas confiance, le film. J'ai cru que Will Smith allait en faire des caisses. Et en fait, non, il joue super bien son rôle génie et tout. Donc je le conseille. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, je conseille d'aller voir la vidéo du JDG du jeu en vrac sur Aladdin, qui est excellente. Bah, je me rappelle plus, mais j'ai dû la voir. Elle est sortie il n'y a pas longtemps, elle est juste super. Série. Je me suis mis à regarder en VOST, parce qu'elle n'est pas en français, Cobra Kai. Ah, oui. Alors, Cobra Kai, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est la suite de Karate Kid. Tu connais Karate Kid? Tu te rappelles de Karate Kid? Le méchant, il est dit toujours... Elle est toujours pas en français. Et je crois que j'avais envie de le voir, et donc je le regarde en VOST. Mais elle est prévue en français? Je sais pas, c'est YouTube qui détient le truc. Je sais pas. Donc en fait, gros l'histoire, c'est Johnny, celui qui avait été battu par Daniel. Le méchant. Enfin, dans le tout premier qui avait été battu en finale, là. Tu le revois des années et des années après, il est devenu un peu un tocard, paumé, ouais. Il a un boulot de merde, une vie de merde. Et en fait, dans son esprit, là où ça a démarré sa vie de merde, c'est le jour où il a perdu ce fameux combat contre Daniel. Ouais. Donc en fait, il le recroise, qui lui, par contre, a réussi sa vie, il a une concession, une jolie vie, ouais. Des femmes, enfants et tout ça, machin. Merdé, quoi. Et il pète un plomb et il décide en fait de réouvrir le dojo Cobra Kai, de former des élèves et de battre... Daniel, voilà. Je suis pas fan. Tournoi, tout ça. Donc c'est super, plein de clins d'œil au film et tout. Enfin, ça se suit bien, moi j'accroche grave. Et pour finir, je vais remercier Guise, qui en fait m'a un peu pourri ma suite de série, tout ça, puisqu'un jour il m'a dit je regarde les How I Met Your Mother, tout ça machin, donc je me suis mis à le regarder pour le kiff et voilà, je me retape toutes les saisons. Bah c'est très bien. Bah ouais, mais du coup je me mets en retard sur d'autres séries. Oh, c'est pas grave, c'est bon, c'est pas comme si on n'avait pas de temps. Le plaisir avant tout. Voilà. Oui, exactement. Moi c'est tout. Titre. Bon, moi. Ah ouais, on va faire le jeu du titre aussi en même temps. Quand on a un truc qui ressemble à un film porno, on dit titre. Oh putain. Tu vois, le plaisir avant tout, titre. C'était pas prévu. Non, c'est pas rigolo. D'accord. Si vous avez... N'hésitez pas, ce sera le leitmotiv de cette émission. Et vous pouvez le faire chez vous aussi. Oui, c'est ça, ça peut être marrant. En soirée, ça marche. Relever les titres. Ouais, c'est très bon jeu. À moi maintenant. Donc, moi, depuis la dernière fois, j'ai fini l'Assassin Royal de la première époque, partie 1, que j'ai été envoyé Guise, et j'ai commencé, du coup, la deuxième époque, partie 2. Moi aussi, je suis au début du livre, j'en suis à 150 pages. Bon. Tranquille. Tu vois, mais je suis fatigué aussi en ce moment, donc ça ralentit moins. 150 pages, c'est 15 chapitres pour toi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il mange, il prend sa douche et il va lire. Voilà ce qu'il fait. Non, je mange, je prends ma douche, je regarde un peu la télé, si je m'endors pas, je vais lire. D'accord. Après avoir couché ma petite. Donc oui, je suis au lito. Ensuite, sur Netflix, je me suis maté les 3 saisons de Kuroko Basket, je vous en avais parlé au podcast précédent. Eh ben, franchement, ce manga de basket, ça déchire. T'as 3 saisons, il termine le tournoi, basta, fin. Enfin, je sais pas s'il y a une tuto manga, en tout cas, ça fait une très bonne fin de série. Je regarde. Et très intéressant. Ouais, l'anime est fini, quoi, en fait. Peut-être, je me suis pas renseigné dessus. Ouais. Mais en tout cas, il y a 3 saisons. Et au départ, avec Alex, on s'est dit, putain, ça va être à chier, tu vois. Un truc sur le sport, bon. Et en fait, c'est à fond dedans. Je vous le conseille. J'ai aussi regardé un peu Witchcraft Works, c'est aussi un animé sur Netflix. Un truc de sorcière, je l'ai lâché en fait, je sais pas, ça m'a pas plus que ça. D'accord. En jeu, j'ai continué World of Warcraft. Je me suis mis à Paper Please sur Vita, le truc de simulation douanière, je vous l'avais déjà dit. Ouais. Et grâce à Jimbo Seb, j'ai pu me lancer dans PixArk sur Switch. Et on devrait en parler, ben non, on en parlera pas beaucoup, mais en tout cas, ça ressemble bien à Ark avec des mécanismes plus accessibles dans un univers Minecraft. Et Mimi Torch, bon, je contre le test, tu verras ce que ça donne. Non, sympa, franchement. Mais le coup des serveurs, c'est des fois un peu compliqué parce que les joueurs peuvent aussi te péter la gueule. Okay. Ensuite, en animé, ah bah ouais, encore un animé, là que je ne suis pas sur Netflix, je suis toujours sur la saison 2 de One Punch Man, bah, Saitama toujours aussi fort. Si tu ne l'as jamais vu, regarde là, ça pourrait t'intéresser. Je connais comme ça, mais si, je sais pas. Elles sont dispo sur ADN, sur le site ADN. T'as juste une pub au milieu, mais sinon tu peux le regarder gratos. D'accord. Ça peut être pas mal. Il y a des animes en France, je sais plus. En podcast, je suis le seul à vous en parler, je me suis mis sur les trucs étranges. C'est-à-dire les phénomènes paranormaux, les mystères, les enquêtes inachevées. Du coup, j'écoute In Tenebris, qui est un truc français, Le Bureau des Mystères, qui est aussi un truc français, et Distorsion, qui est un truc québécois. Et bien, je me suis vachement bien habitué à leur accent, j'adore. Je vous conseille de les écouter si vous aimez les mystères et... Ouais, ça peut être sympa. Et pour clôturer, hier soir, justement, je me suis maté un film Captain Marvel. Oh. Et bien, je rejoins ton avis, l'actrice... fait bien Captain Marvel, elle est fantastique. Tu sais, elle est un peu rebelle, à ce côté un peu impétueuse, super. Par contre, des punchlines téléphonées au possible, il y a des moments où limite tu sais ce qu'elle va dire. Tu vois, quand il y a un truc qui se passe, tu le sens. Et je trouve que l'intrigue du film, tu vois bien avant l'arrivée, le retournement de situation en fait. Tu vois, c'est pas un film exceptionnel, c'est du Marvel, bien fait, propre. Ouais. C'est propre, mais franchement, l'histoire, Fury m'a fait délirer. Il est vachement plus sympa là-dedans. Par contre, Samuel L. Jackson, il fait bien le Nick Fury d'avant. Novice, débutant, Il terrible. C'est là que tu vois que c'est un super acteur. Bien sûr, non. Il le fait super bien. Donc, je conseille. Captain Marvel, allez-y, c'est que du bon. Et ce sera tout pour mon petit mois. Bon, il y a plein de trucs. Hein. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait de terrasse, j'ai construit ma balançoire. Voilà. Bien. Ouais, travail de bois. Et bon, sur ces bonnes paroles, nous allons passer à la suite. Donc, le premier sujet de ce podcast, le Bordeaux Geek Festival 2019. C'était la 5e édition déjà. Ouais. Tu l'as vu la dernière fois, donc au parc des expositions de Bordeaux. Donc, nous y sommes allés. Ouais. Et on va donner notre avis. Ouais, vous avez quelques lives sur Twitter, si vous voulez. C'est vrai, on a fait des gros lives d'ailleurs. Ouais, mais il y a des vidéos qui sont toujours pas fonctionnelles. Je sais plus. Non, j'ai pas eu le problème des vidéos ou pas. Faut que je m'y penche d'ailleurs. Bon, bref. Faut bien m'y penche. Donc, avant de dire ce qu'on en a pensé, quelques petites infos. Cette année, on a eu 30 000 festivaliers. Donc, ce qui est un beau score. Un beau score. L'année prochaine, le Bordeaux Geek Festival 2020 aura pour thème les années 90. Ça a l'air super bien. Je pense que c'est complètement nos années. C'est quand? C'est où? L'année prochaine en 2020. Ah, le BGF quoi. C'est au dernier podcast, je l'ai pas suivi. Par contre là, c'est lui qui m'a pas suivi. Là. C'est quoi le Bordeaux Geek Festival? C'est ça. Le BGF. Ouais. Et aussi pour info, donc. On aura Animasia le 12 et 13 octobre, pareil, au Parc des Expositions de Bordeaux, qui fêtera ses 15 ans. Voilà. 15 ans et pour Animasia. On sera sur la Chine. Ouais. Comme thème principal. Qu'est-ce qu'on a pensé du Bordeaux Geek Festival de cette année? Alors, on va commencer par les points positifs. Il faut savoir que c'était sur le thème Rise of Machine. Voilà. Rise of Machine. Qui veut dire Machine de quelque chose. Voilà. Rise, c'est quoi? Je sais pas. Le renversement, le renversement de machine. Je crois que c'est machine, ça, c'est le soulèvement de machine. Je pense, hein. Je suis pas sûr. Ah, ouais. Je parle pas anglais. Donc, je vous donne moi mes côtés positifs pour rebondir dessus. On t'interrompra parce que c'est un ressenti. Ils avaient fait ça sur deux halls, mais deux halls complètement réunis, on n'avait pas à traverser l'un à l'autre. Ouais. Ça faisait un grand espace, plutôt pas bien agencé. J'ai bien aimé. Alors, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a vraiment une partie exposition et une partie commerce. Ouais. Voilà, boutique. T'es pas obligé de passer par l'un pour aller à l'autre. Ça, c'est bien que tout soit pas... Ouais, très très bien. C'est sympa, ouais. T'as pas envie d'avoir du commerce, tu veux pas du commerce. Non. Quoi. Si tu veux aller faire tes achats, t'y vas, tu fais ton tour. Tu claques un billet pour rien. Et en plus de ça, ils t'ont pas... Ben, ils ont été sympas, ils ne l'ont pas mis avant, parce qu'ils auraient très bien pu le mettre en avant. Ils l'ont mis en dernier, ils l'ont passé par là. Mais je crois qu'il y a eu des années où c'était comme ça. Il y avait des années genre quand c'était sur les quais. La base du bas, c'était les commerces. Ouais, et la base du haut, c'était tout. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est très, très, très bien fait. Non, non, c'était bien fait. J'adore toujours l'ambiance. C'est sympa. Les gens... j'ai bien aimé, c'était le passage où ils chantent, ils se balancent des musiques de dessins animés, ils chantaient, je sais pas si vous avez fait attention. J'ai pas fait gaffe. Voilà, donc l'ambiance est toujours aussi festive. Moi, t'as un quiz, je crois, en live sur ce genre de truc. Ouais, ouais. Font... Mais justement, il y avait encore la présence du quiz des gamers et du concours des dessinateurs. Ah, le concours des... Moi, j'aime bien le concours des dessinateurs. Moi, les deux, j'allais... Sérieux. Les deux, j'adore. C'était rigolo. Après, pour moi, c'était ma première, donc ouais, ouais. Oui, j'ai bien aimé. C'est vrai. Ouais, ouais. En général, les premières fois, on aime bien, tu vois, on est un peu timide. Ça fait un peu mal, mais voilà. Je regrette juste de ne pas avoir fait le quiz des gamers cette année. L'année dernière, je l'avais fait, j'avais perdu d'entrée. Ouais, c'est... il y en a, ils sont, c'est des bêtes. C'est... C'était hyper dur. Ouais. Et ils le font exprès aussi, de rendre un peu plus dur, parce qu'il y en a, ils sont super forts. Il y avait un bel espace e-sport, j'ai trouvé. Il y avait la grande scène principale, et puis il y avait le petit coin e-sport. Moi, on n'a pas fait le coin gaming. Moi, j'aime bien, on n'a pas fait le coin gaming PC, mais c'est vrai que le parc était sympa. Non, t'as vu, il y avait franchement. Bon, on avait du Rocket League, on a vu du LOL. Après, ils ont raison, l'e-sport se développe, il faut qu'ils le développent aussi. Donc, oui, mais sache, en partenaire, il y avait ES1 justement. Ouais, ouais, il y avait des présentateurs de ES1 qui étaient là. C'est ça. Bertrand Amar, ES1 ? Non, il était pas là, il était à l'E3. Non, mais c'est lui qui. Mais c'est lui, c'est le Big Boss. Oui, il était à l'E3, il le loupe pas. Ah non, ça. Mais c'est sympa. Je voudrais quand même chaque année féliciter quand même le travail de bénévoles, parce qu'à chaque fois ils sont au top, tu les vois toujours t'en renseigner, tout ça machin. Oui, voilà. Sauf que quand on fait l'espace presse, on aimerait bien avoir des bracelets et un coin où on peut boire du café. J'ai pas arrêté de le dire à la vidéo, j'aurais bien aimé avoir. On n'a pas trouvé l'espace presse, ouais, effectivement, j'ai pas pensé à demander. Bah ouais, parce que et les bracelets, ils ont eu un problème de. Oui, ça, c'est, pas, c'est pas bien grave. Le café quoi. Bon, bref. Mais c'est vrai. Peu de café. deux choses que j'ai retenues que j'ai aimées. C'est... On a joué à Super Mario avec des fruits et légumes. Ah ouais, ça c'était rigolo. Ça c'était marrant. Franchement. Donc en fait, il y avait un tout petit système de branchement avec un émulateur sur PC. Ouais. Et donc des fils reliés à des. On avait des quoi? Des tomates, on avait des. Bananes, bananes de contrôle. Des carottes. La carotte pour avancer. Voilà. D'ailleurs, l'informaticien était très fier de sa blague. Et c'est vrai qu'elle était super bien. Elle était bien. Nous, on l'a pas compris et du coup, il était un peu déçu. Ça m'a fait marrer quand même. Il était concentré sur le jeu. Oui, la carotte. Et donc, on peut voir les photos sur Instagram. On joue donc avec des carottes, des tomates à Super Mario. J'ai speedrunné à un moment. Oui. Et je me suis pas mal démerdé. Mais t'as passé le premier niveau déjà. J'ai passé le premier niveau. Tous les comme une merde. Hein. Non, mais j'étais fier de moi. Non, mais de toute façon, quand il s'agit de tâter une carotte, je sais que tu es bon. Je prévois de brancher ma PS4 sur des fruits et des légumes. Mais, alors ça va être compliqué là. Deuxième chose que j'ai aimé, je vais dire que c'est mon coup de cœur, mais on va dire qu'il n'y avait pas à forcer. C'est la borne d'arcade Nomad qu'on a testée. Ouais, personnalisable. Personnalisable. Excellent, tu peux changer le panel. Alors le panel, c'est le panneau de contrôle, donc on peut mettre un Vas-y. On peut mettre le pas, on peut mettre des boutons, on peut mettre un volant. Bon, le flingue non pas encore, mais il pourrait l'adapter parce qu'il y a un flingue qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais. Pour écran HD. Donc, très sympa. La borne Nomad. En gros, donc Nomad fabrique des bornes d'arcade personnalisables, comme tu l'as dit, et il n'utilise que des jeux indés. Des jeux indés. Ouais. Pour fournir sa borne. Donc en fait, tu fais un jeu indé, tu les contactes, tu dis voilà, je voudrais que mes jeux soient sur votre borne, y a pas de problème, voilà. Il vient de Nantes. Il vient de Nantes. Et leurs bandes sont très jolies. Ah ouais, excellent. On en a vu trois, elles étaient super bien faites. Il y en avait, c'était laquelle, la spéciale Samouraï? Samouraï Rio. Samouraï Rio, disponible sur Steam. Et très bon jeu. Une borne, ouais, très bon jeu de. Oui, ouais. Déjà en qualité graphique, il est sympa, animé, c'est un bit bémol du tonnerre. Et la borne, elle est bien conçue pour ce jeu. Ah ouais, ouais, complètement. Franchement, c'est éclaté avec Guise. On a bien rigolé. Donc du coup, on a pu tester en plus plein de jeux indés parce qu'il en profitait pour nous faire tester plein de jeux indés qui étaient excellents. J'ai pas retenu tous les noms des jeux parce qu'on a testé pas mal. Regardez la vidéo, on en parle. Voilà, sur la vidéo. Sur Twitter, ça. Ouais, c'est ça. J'ai bien aimé le fait que tu puisses jouer à 4 sur une borne d'arcade. Ouais, ça c'est sympa. Ah, mais la petite borne après, celle qui est rehaussable où tu peux venir avec un fauteuil handicapé, c'est un bon concept. C'est bien pensé. On peut ajuster la hauteur, non, c'est important. Justement, voilà, il a dit les personnes qui sont en fauteuil. Peuvent pas toujours venir tester, la borne est trop haute ou tout ça. Là, elle est ajustable, donc c'est bien pensé. Ah, c'est un passionné, il fait ça artisanal. Ouais. Bon, respect à son travail. Non, son travail est super. Les plus, pour ma part, c'est tout. C'est tout ce que j'ai. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Moi, j'ai bien aimé le coin RGB. Donc, c'est l'association des rétro gamers de Bordeaux. On a pu tester, par exemple, la Vectrex. Ouais, on n'a pas testé la Vectrex, mais bon, on a pu jouer à des titres sur Saturn. On s'est fait un petit micro-machine sur PS3. Sur PS3. Sur PS1, oui, c'est micro-machine V3. On s'est éclaté. C'est clair, ça me rappelle des bons souvenirs. Mais ouais, le gonze était super agréable. Ils sont c'est pas ils, ils viennent vers toi, quoi. Ah ouais, ouais, ouais, très avenant, ouais, carrément. Puis c'est, le, c'est l'univers, c'est des connaisseurs, tu vois, tu peux discuter, ouais, avec eux. Ah, j'ai joué, franchement, j'ai joué à mon premier jeu d'Atari. J'avais jamais joué à l'Atari. Oui, et oh, je t'avais fait jouer. Si, on avait joué chez Sub, peut-être très longtemps. Quand je l'avais, je te faisais jouer. Il avait même l'Amiga. Je m'en rappelle plus, c'est trop loin, ça. Oui, le jeu de vaisseau. Ouais, ouais, c'est terrible, je suis arrivé gavé loin, en plus. Non, mais... Quand j'ai eu l'Atari, je regrettais, putain, j'ai balancé la mienne, quoi. Mais, et, j'ai réfléchi avec du recul, les micro-ordinateurs de l'époque sont vachement mieux que les Super Nintendo ou les Master System. Niveau graphisme. Moi, j'ai commencé par ça. À l'époque. Toi, t'es un bourgeois. Ouais, j'ai eu une Atari, c'est vrai, d'ailleurs. Toi, t'as eu une Atari. Enfin, c'est pas la vraie Atari. C'est mon frère qui m'a passé l'Atari Flashback. Ah oui, oui, bah, c'est toujours sympa ça, oh, avec le petit joystick, ouais, et le bouton rouge. Ouais. Et Seb, il avait aussi de l'Amiga, je me rappelle, on faisait des quiz. L'Amiga, de j'ai eu l'Amstrad CPC. C'est l'Amstrad, c'était très micro. C'est lequel avec les petites disquettes, c'est l'Amiga, non c'est peut-être l'Amstrad. Non, c'est peut-être l'Amstrad. Ouais. C'est l'Amstrad. Putain, quand tu penses à tout ce que t'as viré. Ah ouais, je m'en veux aujourd'hui, j'en pleure. Mais bonne association. Moi, ce que je regarde, c'est que le point, pour eux, il était trop petit, tu vois. C'est... Autant l'histoire là, était grande. C'est grand, un petit peu mal avancé, pour circuler, il y a mal, ouais. Il y a moyen. Après, c'est compliqué, ouais. Ouais, mais tu vois, niveau stand, il n'y avait pas masse. Moi, enfin, pour ma première fois, je suis un peu déçu du fait que tu puisses pas jouer à plus de jeux. Ah, c'est vraiment le Bordeaux Geek Festival. T'as beaucoup mais... l'univers geek, puisqu'on avait des mécanismes. Ouais, bien sûr, mais bon. Des innovations, des imprimantes 3D. On avait un peu de tout, mais voilà. Je m'attendais à avoir des jeux vidéo un peu plus concrets. T'es gamer, quoi. Moi, honnêtement, moi aussi. Au moins pouvoir tester. Voilà, tu vois, des nouveaux jeux, ou même des anciens, si tu veux, il n'y a pas de souci, mais... Alors, un petit peu colère, aussi. Alors, c'est un petit peu point négatif pour le VR. Ouais. S'il payait 5 balles pour... Bon, après, il faut tester le tapis, mais... Alors oui, il y avait... Ils se graissent un peu, les mecs. Il y avait, c'était... Je ne rappelle plus le nom, je suis désolé. Ouais, j'ai pas retenu. Qui faisait... VR Arena, je crois, ou Arkea. Peut-être, ouais. Peut-être un truc comme... Il y a un cas dedans. Voilà, il faisait tester le VR Arkea avec le fameux tapis... Ouais, pour circuler, mais on pensait que c'était un test. Non, en fait, ils étaient là pour. C'est payant, quoi. C'était payant. Moi, je trouve pas ça normal. Tu payes 15 euros l'entrée déjà, je vois pas. Voilà. Ouais. Quand t'as payé 15 euros l'entrée, repayer quelque chose derrière, je trouve ça un peu. Bah, si, t'as bouffe tout ça, ça te sachant que tu viens pour se faire de la pub en plus. Ah oui, oui. Je suis d'accord. Voilà. C'est surprofité, je trouve que c'est. Voilà. Là, sur ça, j'étais pas très content. Tu l'as dit, gros manque de jeu indé. Ah bah à part le monsieur sur sa borne qui nous présentait sa borne, ouais, on n'avait pas de... Si, il y avait Bordeaux Game qui faisait quelque chose aussi, on n'a pas trop fait attention, mais à part Bordeaux ça... Bordeaux Game. Ouais. Je sais pas. Mais c'est une association sur Bordeaux, pareil. D'accord. Et mais sinon, comparé aux années précédentes, où il y avait, je me rappelle, Animasia, ouais, t'avais un coin. Le dernier Animasia, il y avait vraiment un gros espace de jeux indé. Mais c'est pas là où on a fait c'est là, Double c'est Kikiro Non, c'était l'année d'avant. C'était l'année avant. Ouais. Mais il y a Animasia. C'était Animasia, ouais. Voilà, c'est ça. Et là, honnêtement, là, sur ça, ils ont complètement raté leur coup. Bah, je viens aussi pour... comme tu dis, il ne peut pas y avoir que du jeu vidéo. Ouais, je viens pour voir certains jeux indés. Il y a tellement de... Sur Bordeaux, il y en a tellement qui font du jeu indépendant. Contactez-les, dites-leur, venez au BGF, on vous met un petit coin, un stand à disposition. Ah, oui. Faites découvrir votre jeu. Et là, il n'y avait rien, quoi. Yeah, ça, j'avoue. Le gars chez Nomad était là, mais pour présenter sa borne, il faisait tester le jeu indé, il en profitait, mais il était surtout là pour lui, quoi. Ouais. Et... évidemment. Donc, ouais. Moi, J'étais super déçu. On n'est pas resté longtemps, au final. On est resté quoi 3 heures. Et 2 bières. Un peu plus. 3 heures et 2 bières. La Mira, très bonne. Mira, oui. Faites sur ta lance. Buvez-en. Je fais de la pub aussi. Médaille d'or. On parlait tout à l'heure du concours de dessin. Ouais. J'ai regretté un peu l'emplacement de la scène. T'as vu, on était dans le coin. On était assez nombreux à venir voir et on était un peu là. Entre le pylône et ouais, carrément. C'était mal positionné, c'est normal parce que c'est quelque chose qui attire. Ouais, rappelle-toi l'édition précédente, on était sur une grande scène. Mais c'était pas la scène principale, mais c'était pas la scène principale. Si, c'était la scène principale. Il y avait toutes les grandes estrades là et c'était blindé, tout le monde était venu le voir, quoi. Parce que c'est rigolo. Ah ouais, et c'est là j'ai pas trop compris leur choix de le caser comme ça dans un coin. Bah après il y avait le tournoi de FighterZ en même temps. Ou juste après. Ouais, il y avait le tournoi de FighterZ. Ouais, peut-être c'était en même temps, effectivement. Donc après, il faut faire des choix. Ouais. Bon, je trouve ça un petit peu... Ils auraient dû le mettre dans une autre position avec quelques petites estrades, je sais pas. Enfin bon. Et mon dernier point négatif, au niveau des invités, c'était assez fourni, il n'y avait pas de problème. Il y avait en plus Bella Ramsey, donc l'actrice de... Ah, ouais. Qui joue dans Game of Thrones. C'était très très bien, il n'y avait pas de soucis. Alors c'est pas de la méchanceté. Les noobs, Dina Just Dance, tout ça, je les adore, y a pas de problème. On les voit à chaque édition. Alors, heureusement qu'ils sont là, tu sais. Ils sont très famille, ils sont très copains, tout ça, machin, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais qu'ils viennent, il n'y a pas de problème, mais il faut renouveler quand même un petit peu, tout petit peu plus. Les invités. Les invités, quoi. Voilà. Il y a tellement d'autres qui peuvent venir. Qui tu veux qui montrer. Tu veux Gus DX? Ah, il était là. Ah merde. J'aurais dû fermer ma gueule. Il était là. Ouais, il m'intéresse pas, c'est pour ça. Ouais, non, je suis pas un grand fan non plus, je suis désolé. Et non, pour non, toi. Il était là. Je vois pas du tout qui c'est. Il faisait des vidéos de jeux vidéo, après il s'est mis à faire des vidéos sur le paranormal et je sais chasseur de fantômes. Chasseur de fantômes. Il s'est fait crever parce qu'en fait on voyait que ses vidéos c'était bidon. Ouais, bon bah après c'est du show aussi. Hein. Il s'est expliqué, il a présenté ses excuses, mais il continue là-dessus en fait. Pourquoi pas. Oui, non, après ils sont tous et il est bordelais. D'accord. Ouais, il a raison. C'est important à savoir. Donc voilà. Alors c'est. Voilà, j'adore les Noobs, hein. J'adore Dina Jessen, tout ça. Ouais. Ils sont tout le temps là et je. Voilà. Mais... Ils viennent. Ils font leur promo aussi, les deux. Hein. Ils sont pas, ouais, ils sont pas stupides. Hein. Non. Il n'y a pas de problème. Mais C'est logique. Renouveler un petit peu. On aimerait avoir les mêmes, je pense. Mais bon, ouais. Ils veulent pas venir. Venez à Bordeaux, il fait beau. En plus, le temps n'était pas dégueulasse. Non, il y avait beau temps. Sur les 3 jours de festival, il y avait beau temps. Carrément. Moi, c'est mais je trouve quand même que ça reste. C'est grand, mais c'est petit. Réellement. Mais au final, il n'y a pas grand chose. Si tu enlèves l'espace achat. Ouais. Oui, non. Mais bon, après, ça fait aussi plaisir de se retrouver dans un endroit où les gens ils ont ton délire. Oui. Tu vois, bon, on est pas. On est tous là pour la même chose. Voilà. Bon, nous on fait pas de cosplay, on n'est pas des furies ou machin, mais c'est sympa. Après, l'espace jeu de société aussi, on l'a pas trop fait. Moi, je le fais certaines années. Il y avait Keyforge, moi, qui m'intéressait en jeu de société. J'ai pas trop regardé. Ouais. Ce jeu de cartes avec des pions là, ça a l'air sympa. Mais jeu de société, non, il y avait. Ah, franchement, j'ai vu que ça. Non, après il y avait un espace de société juste à côté des achats. Quand tu reviens des achats, c'était à gauche. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ouais. Ils jouaient à Pokémon et tout ça. Oui. On aurait peut-être dû plus regarder. Mais bon, ouais. Après, quand tu lances une partie, c'est 1 heure, c'est bon. Ah ouais, par contre, voilà, ouais, tu sais que quand tu commences. Bon, après, on n'a pas du temps illimité. Hein. Non. Dans l'ensemble, non, c'était rigolo. Petit bémol, le prix, je trouve que c'est un poil excessif. Mais ce n'est que mon avis personnel. Ouais. Moi, je serais pas prêt à mettre 15 euros là-dedans. 15 euros pour passer la journée, non. Ah, mais il faut vraiment passer la journée. Sachant que, ouais, là, on ne pouvait pas rester plus trop longtemps, mais tu te dis 15 euros, tu fais le quiz des gamers, tu vas tester des jeux. Bon, on peut pas tester. Bah, voilà. Tu vas faire des. Voilà, tu vas essayer des jeux de société en groupe en plus. Moi, je sais qu'à chaque fois que je faisais les jeux de société, ben, tu te réunis avec des gens que tu connais pas forcément, tu tapes des délires, c'est excellent. Il y avait les conventions, s'il y a des conventions qui te plaisent, tu peux aller voir. Bon, je suis pas très sociable aussi, c'est peut-être ça. Ouais, 15 euros, ouais, peut-être que c'est un peu trop cher. Peut-être que c'est un. Moi j'aurais tapé sur du 10, mais bon après. Peut-être que je suis radin aussi, donc ça fait beaucoup de choses. Après, dans ce moment-là, tu mets pas des choses payantes à l'intérieur. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a. Et il y a que le truc de VR qui était payant. Bah oui. Parce qu'après, t'as bouffé tout ça. Ouais, bon, ouais, oui, ça c'est normal. Moi, enfin, la bouffe, hein, je suis désolé, quand t'as vu l'hamburger à 9 euros. Ah bah, les mecs, ils font l'hamburger, tu sais, quand tu vas au Futuroscope ou. Ouais, c'est ça. Oui, mais bon, t'as payé. Oui, c'est pareil, tout ce qui est vente de figurines et tout ça, on sait que c'est hyper cher. Ah, oui. Prenez le nom des magasins et allez sur internet. Après. Désolé. Après, tu vois, je suis en train d'y penser, ce que j'ai pas vu non plus. Ouais. C'est que des fois il y a des expos justement de figurines de collection comme ça, et je l'ai pas vu cette année. Si, il y avait le truc, l'expo avec les Terminator. Si, ça y est, oui, avec les. Terminator. Il y avait une partie Terminator. Si, pardon, j'étais. Il y avait les trucs d'Alien, les gros d'Alien. Ouais, le super tableau que je voulais ramener. Il y avait aussi l'Iron Man et tout ça. Oui, ouais, le gros. Ouais, le Phallus, ouais. Alien Phallus. Ils sont cons. Oui, l'Iron Man et War Machine. Ouais. Non, c'est pas War Machine. C'est War Machine, si. En bleu. Il est pas gris, War Machine. Ouais, mais je crois que c'était fait exprès. Non, mais il en a plusieurs, je crois. De quoi? Armure. Ouais, je crois qu'il y en a un bleu après. Ah bon, peut-être. Je suis pas spécialiste. Donc voilà. Donc, moi, par contre, maintenant, j'attends vraiment la... L'Animasia. L'Animasia, ouais, parce que je sais pas pourquoi je m'amuse toujours plus à l'Animasia qu'au BGF. Ouais. Et non, j'attends l'année prochaine, les années 90. Je pense que ça peut faire quelque chose de... Oh, bah, ça va être Club Dorothée, Olivier Tom, Fugis. Là, tu vois, par exemple, tu fais un truc sur les années 90... Invite une icône des années 80. Alors Dorothée, je dis pas qu'il faut inviter Dorothée, ce serait. Oh, tu pourrais. Je pense que ça ferait du succès. Je préfère Dorothée que Bernard Minet, perso. Mais voilà, mais je veux dire. Tu vois, il faut taper là-dessus, il faut inviter des icônes des années 90 dans cet univers-là, du Club Dorothée, tout ça. Je veux voir du Sangoku géant. C'est obligé. Oui, oui. Bah si, si. Geek, années 90, Dragon Ball. Voilà. Moi, je pense que... Sans être un Dragon Ball addict. Hein. Faut aller taper là-dessus, faut voir... T'as annoncé un thème, il faut vraiment que tu t'appliques... Je trouve que c'était pas mal. Les années 90. Il y avait un peu de robotique aussi, de programmation. C'était rigolo sur les petites cartes. Quand on a vu les espèces de robots qui bougeaient sur la table pour faire du dessin tout seul. Oui. C'est ça, c'était le thème des machines. Là, ouais. Des... Ouais, ouais. Non, après, le thème était respecté. Ouais, oui, non, complètement. Non, c'est 100%. Ça reste un bon moment, c'est vrai. Et je pense quand même qu'on les attendra plus sur les années 90. C'est pour ça que je vais mettre le poids là-dessus. C'est notre truc. Moi, oui, en tout cas. Bah, moi aussi. Les trentenaires vont, comme nous, vont attendre ça. Elles vont kiffer leur race, comme on dit dans le jargon. Voilà. Bon, ben voilà, pour notre petit tour au BGF. Et là, nous allons passer, attention, tenez-vous bien. Roulement de tambour. Au test de Guise. Quiz. Non, au quiz, putain, je vais le la faire à chaque fois. À chaque fois, tu dis le test. Bon, ben le quiz. Allez, c'est parti. Et c'est le quiz. Alors, je vous ai préparé un petit quiz différent de ce qu'on a pu faire jusque-là. Oh, bah, ceci dit, tous les quiz sont quasiment étaient différents. C'est vrai. Mais là, je sais pas. J'étais pas emballé, on va voir si ça vous emballe à vous. J'étais parti sur une idée, j'ai abandonné la première idée en cours de semaine et j'ai fait autre chose. J'ai peur. Donc, je le ferai pour autre chose, pour un autre moment. Ouais. Allez, explique-nous tout. Alors, le titre de ce quiz va s'appeler Titre ou héros. Bah, c'est mon en anglais, titre. Title of Hero. Or Hero. Ouais. Ah, j'aime bien en anglais ça. Les aussi, bilingues. Tu vois, Titel or Hero. Overcooked. Alors, chacun votre tour. Oui. Vous allez devoir me donner, parce que j'ai pas mélangé, j'ai pas voulu qu'il y ait de quiproquo, il a choisi ce titre ou ce truc pour toi. Ouais. Donc, on va commencer par Seb. Il va me donner un chiffre entre 1 et 16. J'ai numéroté, mais. Ouais, donc, une fois que tu me le donneras. Lui, par contre, Nours devra choisir titre ou héros. Mmh. S'il me choisit héros, je lui donne le nom du héros. Et je vais trouver le... Et après, une fois que je te donne le nom du héros, et c'est le premier qui dit son nom, qui devra donner le titre. Si je te donne le titre, faut trouver le héros. Oui. Si je te donne le héros, faut trouver le titre du jeu. C'est au plus rapide. Et ça sera au plus rapide. Celui qui dit son prénom avant l'autre. Ok. Et on dit chacun notre tour le numéro de la question. Voilà. Ok. Par exemple, Seb, tu choisis un numéro. Le 3. Ouais. Ok. Nours, titre ou héros. Ah, et après on répond à ce moment-là. Toi, vas-y, titre ou héros. Titre. Je te dis Crash Bandicoot 3. À ce moment-là, une fois que j'ai donné le titre... Je dis Nours et Crash. Voilà. Ok. Ok. Ça vous va ? Yes, vas-y. Allez. C'est bon. Sachant que c'est une autre finale là. C'est la finale. Et j'ai pas de vie, hein. Et on part pas. Il s'est compliqué la vie pour rien. Peut-être. Ouais, ça va, c'est bien. Bon, mais vas-y, Seb. Choisis ton numéro. Entre 1 et 16, tu m'as dit. Entre 1 et 16. Allez, 4. 4. Nours, titre ou héros ? Titre. Ça sera le titre. Attention. Donnez-moi le héros de Resident Evil 3. Seb. Nours. Seb. Alors ? Gilles Valentine. Bien, un point pour toi. Bah, j'aurais dit Léon-Clé. Désolé, c'est pas Léon-Clé. Il y en a pas deux dans le 3. J'ai plus vite. Non, c'est principalement ceux que Gilles. Très bien, t'as gagné. Merde. À toi, non. 7. C'est toi qui donne le 7. Chiffre. Ouais. 7. Titre ou héros ? Du coup, bah, héros, allez. Héros. Léon Scott Kennedy. Non. 7. Resident Evil 2. Non. C'est quoi ce délire ? Ah si, pardon. Resident Evil 5. Non, j'ai mal lu, pardon. Là, sur le coup, pardon, t'aurais pu aussi dire le 4, ça passait, mais... Ah, le coup. Non, celle-là, c'était le nom du 4 que je voulais parler. Autant pour moi, tu as raison, bah heureusement. Ah, c'est comme tout à l'heure, si tu avais dit Jill Valentine, t'aurais pu dire Resident Evil 1 ou Resident Evil 3, ou voilà. Ouais, s'il fait des pièges en plus. À toi, Seb. Numéro 1. 1. Titre ou héros ? Héros. Kratos. Seb. God of War. J'ai oublié de dire mon nom, moi j'aurais répondu direct, ça fait chier. Ah, c'est chiant ça. Ah ouais. Je fais comme Guise la dernière fois. Sonic. Ouais. J'aurais dû dire Resident Evil. Ah ouais, j'ai répondu mon nom. En fait, c'est avant de répondre, je me dis, il faut te dire Nours. Ouais. Ça fait 2 à 1 pour Seb. Ça va. Nours. 14. Et rappelle-nous après, sur la fin, on va oublier les titres. Titre ou héros. Titre. Gravity Rush. Oh, alors c'est pour toi. Je le connais pas, j'ai pas joué. Tic, tac, ouais. Tic, tac. Ouais, c'est même pas la peine de m'en garder. Il y a que lui qui a joué. Tic. Seb, c'est 4. Bien joué. Oh, putain, j'y ai joué en plus. Chaud, le j'ai cherché grave. T'inquiète pas, t'avais pas d'adversaire en face. C'est réglé. Ah, j'ai choisi, j'ai essayé de faire un peu de mix. Hein. Ouais. Ah ouais, il est très très bien, Gravity Rush. J'aimerais bien faire le 2 d'ailleurs. T'as. Ah, ben. Ouais, d'accord. Non, je. Ça pas fait en tête. 3-1. C'est à moi de donner un chiffre, c'est oui, ça. Oui, c'est à toi. Le 16. 16. J'ai fait les extrémités. Ours, Distro, Héros. Héros. Ouais. Master Chef. Ours. Allô. Bien. Ouais, joli. Chief, d'ailleurs, c'est Master Chief. Non, j'ai connu. Bien joué. Ouais. Beau gosse. Ça, j'aurais jamais trouvé. 11. Alors, c'est. Seb, titre ou héros? Titre. Ouais, c'est plus facile. Hein. Ouais, j'aime bien le titre. The Witcher 3. Ours. Geralt. Bien joué. De Rive. De Rive. De Rive. Excuse-moi. Le prend. Ouais, ouais, ouais. Titre. Attends, t'as pas choisi. Mais non, je le prends titre pour mon jeu. Oui, d'accord. C'est un film, c'est pardon. Un film pour ah oui, je l'ai j'étais en train de. Oui, oui, dans son c'est, jeu, je pense c'est que une égalité fait. Pour le moment. C'est bien. Ouais, à toi, Seb, numéro. On a fait le 12. Non. Ouais, bah voilà, le 12 alors. C'est parti pour le 12. Vas-y, titre. Titre. Days Gone. Seb. Ah bah ben non, je sais même pas qui c'est. Ah merde. C'est le t'avais envie de dire. Bah oui, mais t'es chiant. Ah si, en plus c'est Deacon là. C'est Saint James, Deacon Saint James. Non, c'est pas Saint. Ah, c'est Deacon. Deacon. Mais reste sur Deacon, parce que sinon tu vas t'enfoncer. Putain, je me rappelle pas son nom de famille. Saint John. Saint John, voilà. C'est lui qui avait Saint. Ouais, je savais que c'était Deacon parce que je vous ai entendu parler. Heureusement que j'ai pas de mémoire. Putain, putain, m'énerve. Allez, un petit chiffre, non. Un petit chiffre, un petit 2. Il a pas été fait. Ben non, je regarde en même temps. Héros. Bien, ouais. J'ai pas besoin de. Ouais. Héros. Attention. Raziel. Ours. Soul River. Bien joué. Ouais. Non, Legacy of Kate, Soul River. Ouais, il a réfléchi. Mais je me ressens en plus pour dire Ours. Il a réfléchi un peu. Mais... Je te donnerai le titre. La prochaine fois, moi je demande ce qu'on pénalise quand même. Et pourquoi il faut dire Ours? Oui. Oui, mais t'as pas réfléchi. Il a pas réfléchi 30 ans. Ça va. Non, non, c'est vrai. C'est... Mais ah. Je le sais, sinon. Vous êtes relou. La gagne. C'est bon, ça. On s'y parle de la mauvaise foi. Allez, ça va, un petit numéro. On n'a pas fait le 8. Non, on n'a pas fait le 8. Eh ben le 8 alors. Mais regarde en même temps, c'est marqué. Ouais, après, il est à l'envers, lui. Il est à l'envers. Ouais. Héros. Titre ou héros. Héros. Harry Mason. Mm-hmm. Alors, ça dit quelque chose. Mason. Seb. Vas-y. Non, Mason. Non, c'est pas ça. Tu peux dire de la merde, hein. Vas-y. Ça marche aussi. Harry des fois, Mason. Ça peut donner quelque chose. Ours, Heavy Rain. Non. Harry Mason. Ours. Ouais, je base. Ah, bah vas-y, tant qu'il sait pas. Detroit Become Human. Non. Ça me dit quelque chose, non, Mason. C'est bon. Mason qui me dit quelque chose. Ah, vous connaissez le jeu. Mason. Harry Mason. Ah, si on trouve pas. Putain, on aurait dû dire titre là. Ah, ouais. Ouais. Et c'est encore, je suis pas sûr qu'on trouve le. Ouais, non, bah non. Harry Mason. C'est un jeu d'horreur. Je donne attention. Oh putain, ouais, Harry Mason. Nours, Roche. Until Dawn. Non. Seb. Silent Hill. Oui. C'est vrai. Ouais. Voilà. Ah, je me rappelais pas qu'il s'appelait comme ça. Ah bah, au pu. Oh putain. Putain. C'est parce qu'il y a du jeu d'horreur, j'ai tenté, mais honnêtement. C'est surtout que t'es devant, là, ça m'énerve. J'aime pas. Il est devant. Il veut la question bonus. Ah non, c'était le bonus. Ouais. 5 à 4. Allez, donc ça dit un chiffre. Un chiffre entre. Bidi. 13. Et t'as passé de chip maintenant. Le 13, ouais. Seb. Titre ou héros. Héros, allez. Aloy. Ours. Horizon Zero Dawn. Voilà. Je savais pas qu'elle s'appelait comme ça. Bah, celui-là, j'étais. Mais ouais. Ouais. Celui-là, je savais qu'il était paumé. Bien joué. Ah, c'est une égalité parfaite. C'est chaud. Ouais. C'est chaud, les gars, à la finale. C'est chaud. Il reste 6 questions. Ok. On a fait le 3. Non, c'est non. Tout à l'heure. C'est après le 3. Ouais. Chaque chose en son temps. On a pris le chiffre 3. Non, on l'a pas fait le 3. Oh, j'avais fait un truc. Oh, j'avais une soundbox pour faire. Moins. On n'a pas trouvé. Pour la blague bidon. Ouais. D'accord. J'ai trouvé. Ah, j'ai fait une jeu bête. Titre ou héros, non. Excuse-moi, oui, c'est, on est en train de jouer. Héros. John Smartstone. Nours. Red Dead Redemption. 2. Pardon. Pas le 1 ? Non. Oh. John Smartstone, t'as dit ? C'est si, le c'est le 1. Tant pour moi. Non, je l'aurais pas trouvé. Aucun regret. Nours, un chiffre, une lettre. 3. Non, j'ai on l'a fait. 1, ça a été fait. 2, 3, 4, 5. Parce que ouais, ça va être compliqué. C'est parti pour le 5, Seb, titre ou héros. Allez, titre. Heart of Darkness. Oh là, mais tu vas me chercher ça. Ah, comment il s'appelle, mon gars. Nours, Danny. Non. Seb, Billy. Non, ça finit en I, bien joué, les gars. Seb, Jimmy. Non. Ah, j'ai pas tous les perdus. Ah, je vois pas. Alors, comment il s'appelle ? Je trouverai pas. J'ai dit Danny, Billy, Willy. Ah, je vois le nom. Nours, Willy, il a dit Willy. Mais non, il l'a pas dit, mais non, Willy. C'est pas ça. Johnny. Non. Patrick. Non. C'est un nom d'américain, ça. Cody. Non. C'est un nom d'américain. Allez, c'est pas grave, on passe, on fera une autre question, j'en ai d'autres en réserve. Ah, c'est bien. C'était quoi ? Andy. Oh, putain, on a eu tous les faire. J'aurais jamais trouvé. Donc, ça, faites-moi penser. Je vais me faire un petit point pour une autre question. Ceci dit, il aurait dit le personnage, j'aurais pas trouvé non plus. Non, mais c'est sûr. Ah oui, c'est compliqué. Ouais. Mais bon, c'est bien, il faut des questions dures. Allez, Seb. On n'a pas fait le. Ah ouais, c'est compliqué. On a fait le 15 ? Non. Non. Ah ben voilà, le 15. Voilà. Le 15. Pour une fois, titre. Quoi ? Titre. Vas-y. GTA 4. Seb. Non, je sais plus comment il s'appelle. Putain. Et après, il faut pas attendre. Non, je sais plus comment il s'appelle. J'étais à 4. Je pensais que t'allais dire 5. C'est pour ça que je me suis. C'est quand t'as dit 4 que je me suis bloqué. Je suis pas sûr. Oh putain, c'est le mafieux de merde. J'ai pas son nom. J'étais à 4. Alors, Nours. Trevor. Non. Ah non, c'est le 5. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas mis le 5. Trop facile. Je crois que c'est celui. L'espèce de mafieux de merde du 5, c'est pas lui. Non, il est pas dans le 5. Bah, je sais pas. J'ai pas fait l'histoire. Non, c'est pas lui. J'avais mis GTA 5, mais j'ai trouvé ça trop facile. Ah ouais. Donc. Bah, dans le... Je te cite les 3 dans le test. T'ouvrais pas. Sérieux là ? Ouais. Oh merde. Ah, oui, mais... Je vous donne le. Si je vous donne le prénom, peut-être que vous me donnerez le nom de famille. Tante. Nico. Ouais. Coletti. Non. Non, mais laisse tomber. Ah, merde. Non. Nico Bellic. Oh non, j'aurais pas trouvé. Pas loin. J'ai pas aimé le 4. Sympa. C'était rigolo. Oh non. C'est à toi. Ah ouais, mais attends, il faut que je trouve un chiffre. 6. 6. Ouais. Titre ou héros, Seb ? Héros. Wanda. Wanda. Wanda, je sais pas comment ça se dit. Wanda. Wanda. Ah. L'ours. Pandemonium ? Non. Oh, mais Seb, ouais. C'est pas Venice World ? Non. Non, c'est pas ça. Wanda. Ah, tu connais Seb ? Je vois pas. Tu l'as en plus ce jeu. Oh putain. Ah oui. Ouais, on en a des jeux. Quand tu vas me le dire, je vais péter un plan. Ouais. Ah, mais oui, c'était ça. Un indice, on prend. Garso. Non ? Si je te donne l'indice, ça va... vous allez crier votre nom là. Ouais. C'est colossal. Nours. Shadow of the Colossus. C'est Wanda ? Ouais. C'est le nom de la princesse ? Ah non, c'est pas le héros ? Écoute, moi j'ai regardé sur Internet, c'est le héros. C'est pas celle qui doit sauver ? Peut-être, ouais, peut-être. Non, mais mets-moi le point. Ouais, non, là, peu. Oui, allez, une dernière, c'est bon. Du coup, une dernière, non, il y a deux autres questions. Parce qu'il y avait des questions que vous n'avez pas répondu. Donc, Je triche pas, déjà, trouve les chiffres qui manquent au lieu de nous dire. Ouais, parce que là, on est mal. Donc, on a. C'est à moi de choisir en plus. Ouais. On a le. 9, le 10. Ouais. Le 10. Et le 17. 9, 10, 17. Ah non, 9, 9. T'as jusqu'à 16, c'est pas parce que c'est ce qu'il a rajouté après. 9 et 10. Et bien le 9. Allez. 9. Titre ou héros ? Héros. Cloud. 7. Il l'a dit avant moi. Bah, Final Fantasy 7. Bah, trop simple. Non, il l'a dit. Il y a 3 questions d'avance, il reste 3 questions. Ouais, je peux faire une égalité quoi. Ouais, mais après tu me mets. Fais gaffe, j'ai encore des sons là. C'est pas assez fort. Attends. Sois prêt, Seb. Ça va s'entendre. Ouais. Choisis le numéro qui reste, le 10. Bah, le 10. Allez, 10. Au hasard. Titro, héros, Seb. Ouais, concentré. Héros, allez. Aiden Pierce. Aiden... Nours. Deus Exe. Non. Oh, putain, ça me dit quelque chose. Ah ouais, ça me parle. Nours. Watchdog. Ouais. Ouais, ah, joli. Ah, j'ai été le chercher loin, celui-là. Ouais. Ben, j'ai perdu. Ben voilà. Tu veux un jingle ou pas? Tu veux un jingle pour toi? Tu veux que je te fasse avaler le micro? D'accord. Ouais, bon. Je m'arrête là, vous en voulez pas d'autres, je pense. Bah vas-y pour le fun, vas-y, fais les deux derniers. T'en as... J'en ai 4 derniers. Allez, vas-y, fais-les pour le fun. Tu choisis ce que tu veux. Ok. Vas-y. Gordon Freeman. Nours. Half-Life. Dis bien, il met un gros temps d'hésitation. Hein. Il dit Nours, mais il met un gros temps mais d'hésitation. Je sais qui c'est. Non, mais tu mets un gros temps d'hésitation. En fait, il pose le truc, il fait Nours. Mais tu l'as fait tout à l'heure. Hein, le premier, je l'ai fait pour le premier. Ouais, d'accord, ouais, le premier, le 3, le 4, le 5, le 8. D'accord. Ensuite, on part sur Metroid. Vas-y. Seb, Samus. Ok, je dis plus mon nom. Ensuite, on part sur Altair. Assassin's Creed. Et pour finir, Gear of Wars. Je sais pas du tout. Ah oui. Xbox. Marcus. Bien joué, Seb. Waouh. Tu m'as bluffé. Merci. Pour toi. Donc, ton Google les enfants. Ça nous fait un score de 9 à 5. Et j'arrête avec ça. Bah, non. Donc, la victoire reste encore chez Nours. Allez, bah. T'as 2 vies. J'ai 2 vies. Et attends, je peux faire un perfect si je fais la saison. Je gagne tout, vous me devez un cadeau. Je sais pas quoi, démerdez-vous. Félicitations à vous deux, quand même. Bon, mais merci, quiz, Guiz. Ce quiz était très intéressant. Merci, Guiz. Merci, Quiz. Ce Guiz était très intéressant. On s'est amusé. Et sur ce, on enchaîne par la suite. Nous allons parler de l'E3. Et maintenant, notre avis sur l'E3. Donc, pour lancer le sujet, je propose de donner la parole à Seb. Vas-y, on t'écoute. Donc, l'E3 2019, on savait déjà à l'avance que ça allait être une année assez particulière. Puisque ouais. Sony ayant annoncé beaucoup d'autres éditeurs, ayant annoncé qu'ils ne seraient pas présents, on savait que ça allait être quelque chose d'assez particulier. Moi, je savais que pour Sony, je savais pas qu'il y en avait d'autres qui. Après, si, ils étaient présents, mais par le biais d'autres conventions, tu vois. C'était un peu particulier. Donc, déjà, j'ai fait un petit point global sur sur mon ressenti. Ils font des pré-conventions. Ouais. Vachement. Alors, ça, c'est zéro. Tellement bien que je savais même pas quand ça commençait réellement. Du coup. Et c'est ça, on te donne des dates, on te dit le 3 il démarre là, et puis en fait, 3 jours avant, t'as des pré-conventions pour te. Voilà. Alors, non, tu fais une date, tu restes dans ces clous. Si c'est pas assez long, tu rajoutes des jours, quoi, je sais pas. Enfin, bref. Moi, je trouve que ça enlève un charme à l'E3, quoi. En fait, tu sais, comme tu dis, tu sais pas quand ça commence, tu sais pas quand est-ce que ça finit. C'est ça. Alors, cette E3, pour moi, j'ai trouvé un titre. Vas-y. Suite, portage, remake, remaster. Il y a des nouvelles IP. Ouais, il y a quand même honnêtement, on a bouffé. On a bouffé de ça à mort, je trouve. Ouais, nostalgie. Bon, tu dis ça. Il y a eu des nouveautés. Mais on en a un paquet. On en a pas eu non plus autant que ça, quoi. Enfin, moi, c'est mon avis et ça a été aussi l'avis de pas mal de personnes. Mais bon. Il y en a eu beaucoup, mais il n'y a pas eu que de ça, pas non plus. Il y a quand même beaucoup de jeux qui ont été annoncés, certes, oui. Mais beaucoup pour 2020. Il n'y en a pas eu tant que ça pour 2019. Alors, j'ai pas trop noté les dates, mais j'ai beaucoup de 2020 en tout cas. Voilà. J'ai pratiquement que de ça. Ouais. Enfin, moi, de ce que j'ai vu, il y a. Allez, chez Nintendo, il y a beaucoup. Voilà, Nintendo, t'as dû 2019. Ouais. Bah, ouais. Oui. C'est très bien que moi et Nintendo. T'as pas déçu ce convention, toi. Si, mais justement. C'est du réchauffé encore pour moi. On va en parler. Ouais. Au niveau de tout ce qui est. Alors, pas forcément jeu, mais niveau technologie, ben, en fait, on n'a pas eu d'annonce. On s'attendait bien sûr à des trucs plus. On s'attendait à avoir beaucoup de choses, par exemple sur la Scarlett. Par exemple. Sur la Xbox. Ouais, on va en parler tout à l'heure, mais on n'a rien. Non. On n'a rien à se mettre sous la dent. Si peut-être au PC Gaming Show, je crois qu'ils ont présenté les nouvelles cartes AMD. Il me semble. Oui. Mais je ne l'ai pas trop suivi. Le PC. Non, c'était pas non plus. Parce que c'est ce qu'on attendait, mais après, ouais, technologiquement, il n'y a pas eu grand-chose. On sait que c'est pas cette année, c'est de là, en 2020, oui. Ouais, mais je pensais qu'on allait se mettre un petit truc sous la dent quand même, et au final, non. Si, je t'ai dit, il y avait un zapper HD qui va sortir. par oui. Voilà, c'est tout. Voilà. On pourra jouer aux grosses zappers sur la télé. Et alors je voulais juste faire cette petite parenthèse parce que je l'ai trouvé vachement intéressante. J'ai eu la chance de discuter avec monsieur Bertrand Amard, monsieur jeu vidéo. Pour oui, c'est vrai. Il a tweeté quelque chose, bon, à moi ou à d'autres. Il a dit beaucoup d'éditeurs absents, très très peu de nouvelles idées, une next-gen qui ne se montre pas encore, peu de fréquentation, donc une ambiance étrange, vraiment pas ouf. Il a qualifié que c'était le pire E3 qu'il ait fait, et il en a fait. Il les a tous fait. Sacré pas. Je crois qu'il en les a tous fait, ouais. Je me semble qu'il n'en a pas loupé beaucoup. Donc ça, on ressent vraiment le truc que cette année, il y a eu un truc qui est vraiment moins, quoi. Après, dis-toi qu'aussi, là, le 3, t'as pas la même présentation. Nintendo fait ses trucs directs. C'est naze. Nintendo direct. Il y en a plein qui ont fait des vidéos. Ouais. Je crois que Square a fait une grosse vidéo. Ouais. Voilà, trop longue même, je trouve. T'as pas vraiment de grosse présentation, comme Xbox, par exemple. Mais qui ont fait de la vraie présentation. Il y a toujours le petit truc de dire, oum, qui est le gagnant de le 3. Alors, c'est un peu bébête, mais ça nous fait rire. Nous, ah, c'est complètement con quand on sait que c'est Nintendo. Voilà. Bah, tu vois, eh ben pour moi, non. Ah, ce serait qui? Franchement, tu vas rigoler, mais je vais t'expliquer pourquoi après. Pour moi, le gagnant de l'E3, c'est Sony. Parce qu'ils sont pas là. Non, Sony a dit il y a longtemps, on sera pas là. Ouais. Putain, Microsoft, ils auraient dû se dire. Ah, ils avaient un boulevard. Allez, c'est là, c'est notre année, on m'en foutra. Là, ils ont chaque année, on prend une tollée, cette année, on va le faire. Personne n'en a profité. Donc au final, tu vas me dire pourquoi c'est Sony qui gagne? Ben, c'est simple, ils sont pas là, le 3 fait un bide total, ah ouais. Qui c'est les champions? C'est eux. Voilà les gars, regardez, on n'est pas là. Ça chier. Il suffit juste qu'ils fassent un... Comment ils appellent leur... le PlayStation Experience. Ouais, il suffit qu'ils fassent un PlayStation Experience de ouf, c'est bon, on va dire l'année 2019, elle est pour eux. Quoi. Je pense pas qu'ils jouent là-dessus. Alors oui, après, au final de tout ce qu'ils ont présenté, pour moi aussi c'est Nintendo qui a fait le... Ouais. Un peu après, pour, en sensation, mais... pour Sony, avec ce qu'a présenté Xbox à côté, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? La PlayStation 4, elle est installée, elle marche du feu de Dieu. Ouais. Là, ils sont pas inquiétés par Xbox, c'est bon. Non, non. Mais on va revenir sur la... On peut parler de la Scarlett ou pas? Vas-y, allez. C'est la seule annonce qui n'est pas du jeu vidéo. Ouais, vas-y. Eh ben, ouais, du convenu. Rien de surprenant. Voilà, c'est une PlayStation 5, enfin, future PlayStation 5. Y a rien qui m'a surpris du tout, ouais. Non, non, ça se fera du touche à touche encore une fois. Temps de chargement, les FPS, la 4K, le ray tracing, voilà. Ah ben, pour moi, je te dis ça, tu peux me dire PS5. C'est du copier-coller, quoi. Grave. Ça va être les mêmes puces. Ils ont pas, si tu veux, sorti le plus qui fasse. Voilà, notre machine, elle a ça, tu vois, que la concurrence a pas. D'accord. Ils ont suivi le truc. C'était le moment, c'était là qu'ils devaient le faire. C'était là qu'ils devaient. Après, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de plus? Ils ont annoncé la rétrocompatibilité jusqu'à la Xbox One. Première du nom. Oui. Voilà, c'est le seul. Voilà. C'est le seul truc qui la différencie de la future. Encore une fois, c'est une affirmation tout ça ou... Non, c'est une affirmation. C'est une affirmation. D'accord. Donc quand elle sortira, ça sera du vrai. On n'en est pas sûr. On en est sûr. D'accord. Alors est-ce que c'est compatible avec tous les jeux? Ça, on n'en est pas sûr. Ça, on sait pas. Parce qu'ils nous avaient fait le coup sur la. Sur la One. Sur la One, la 360, non? Je sais plus. Tous les jeux n'étaient pas compatibles. Ils ont dit oui, c'est rétro-compatible. Oui. En fait, tous les jeux ne l'étaient pas. Il fallait attendre. Des pages, des machins, des trucs. Tout ça pour pouvoir jouer à certains jeux. C'était. D'accord. Voilà. Non, mais c'était à moitié vrai, quoi. Très déçu. Voilà, j'aurais aimé en savoir plus. Je sais même pas si on avait du design, pour te dire, de Scarlett. Bah, voilà, c'est un peu dommage. Comme tu dis, c'est un boulevard, ils n'en ont pas profité. Donc on verra. Après aussi, ils ont leur truc. En fait, maintenant, tout se passe online. Aussi, je sais plus, c'est pas le MTV, c'est pas le Microsoft Direct, mais eux aussi font des trucs vidéo, donc tout va se passer par là maintenant. C'est très con parce qu'en plus, moi j'ai essayé de suivre un peu sur Twitch, c'était le top Twitch pendant toute la semaine, quoi. De quoi? Ben, en fait, la Xbox sur Twitch, tu sais, t'as les tops de ce qui est le plus vu. Ouais. Les conventions, c'était en numéro 1 toute la semaine. Ah ben, tout en parlait, tous les mec sur Twitch faisait un truc spécial pour en parler, c'était c'est mondialement, c'est hyper suivi, quoi. C'est con qu'il n'y a rien à dire dessus. Voilà. Ah, ils ont dû s'emmerder. Ah bah écoute. Donc ouais, voilà, c'était le petit aparté hardware, on va dire. Et donc du coup, on a eu quand même beaucoup d'annonces. Décevantes ou pas, mais on a eu quand même beaucoup de jeux annoncés. Ce qui est rigolo, c'est que les éditeurs ont profité de la conférence Xbox pour présenter des jeux qui ne sont pas exclusifs à la Xbox. Ouais, c'est ça. Les éditeurs ont pu présenter leurs jeux, comme tu disais, mais pour la PS4. Bon, pas les exclusivités PS4, mais on sait qu'il y a très bien beaucoup de jeux qui vont sortir sur plusieurs plateformes. Les exclusivités ont aussi été un peu timides. Chez Xbox, j'entends. Je trouve qu'il n'y a rien eu de... Oui, alors j'ai pas noté parce que je suis pas trop Xbox donc. On a parlé j'ai vu un Halo qui passait. Tu as Halo Infinite. Voilà. Et je crois qu'il est prévu pour sortir avec la Scarlett en fait. D'accord. Donc pas prévu pour de suite. Tu dois avoir un nouveau Forza Horizon. Mm-hmm. Tu vas avoir Gears Pop, un crossover entre Funko Pop et Gear of Wars. C'est Clash Royale. Ouais. Battletoad, le remake du Beat Them All. Oui, c'est ça, j'ai vu ça. Ça me faisait chier d'ailleurs. C'est sur PC et Xbox. Sur PC, ouais, mais bon. Ouais. PC, Xbox. Et on sait très bien que l'infrastructure, c'est la même. Ils veulent que les jeux fonctionnent sur l'un et sur l'autre. Hein. Ouais. Voilà, tout ce que j'ai noté. C'est que des. Comment dire. C'est des exclus. Oui, voilà, ça c'est que les exclus Xbox. Ça là, sera les exclus Xbox. Battletoad, ça me fait un peu chier parce que j'ai. Tu te rappelles Battletoad? C'est les deux grenouilles qui se fight. D'accord, oui, oui. J'adorais ce jeu. Sur SNES, je crois. Très dur, mais j'aimais bien. Je sais pas, je connais pas. C'est avec les ondes de soleil, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Et après, ils se transforment leur bras en hache. Ouais, ils avaient pas des motos aussi à un moment donné? Si, ouais. C'était très dur le passage en moto d'ailleurs. C'était rigolo. Ouais, c'était marrant. Donc après, voilà, moi pour Xbox. Non, non, c'est 60 jeux, j'ai pas tout noté par contre, là c'est clair. Non, après j'ai noté que les jeux qui m'intéressaient. J'y vais alors ? Ben vas-y, c'est parti. Alors, je commence par une nouveauté que j'ai notée parce que j'aimais bien. C'est Control. Est-ce que t'as vu ça ? Alors, c'était à une pré-convention. Ça a été annoncé. Une nouveauté, Alex, elle m'a montré les vidéos, ça fait un putain de moment en fait. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas une suite quoi, c'est pas un remake, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est l'air terrible. Quand je dis nouveauté. J'ai vu la nouveauté, je l'ai pas noté pourtant, mais ouais, je pense que c'est. Donc c'est Control, c'est Remendi qui l'a fait, c'est ceux qui ont fait Max Payne. Ouais. Donc disponible sur PS4, Xbox, PC, qui sort fin août, donc on l'aura pour la rentrée septembre là. Ah, bah j'ai un autre jeu à m'acheter alors, je vais pas noter. Donc c'est un action TPS. On a parlé un petit peu avec Guise, je lui ai montré les images parce que c'est tout à fait le genre de jeu que j'avais pas vu. Avec la... Si, j'avais déjà vu, mais avec c'était avant, comme tu dis, je l'avais vu il y a un moment. J'avais déjà oublié ce jeu. Bah ouais, moi je savais même pas qu'il était. Voilà. Donc, très attrayant. Ouais. Ça a l'air fun. Ça a l'air bien sympa. Action à fond quoi. Ce sera peut-être le petit jeu de la rentrée pour Guise. Peut-être. Vas-y, poursuis. Alors j'ai pas fait vraiment le classement, donc j'annonce un peu. Mélangé, il faut rebondir sur moi. T'inquiète pas, on va rebondir sur toi. On a vu, et même ceux qui étaient là-bas ont eu la chance de pouvoir tester FF7 Remake. Ah ouais ? Ah bah tiens, on peut en parler. Donc on a une date de sortie officielle, ça y est ? Ouais. Mars 2020. Pour la partie 1. Pour la partie 1. Parce qu'on sait pas combien il y aura de parties. Tout à fait. D'ailleurs, je sais pas si vous avez prêté attention qu'à un moment, t'avais le développeur qui était là. Et puis un journaliste qui lui dit « Ah d'ailleurs, on a vu que donc ce serait un jeu épisodique. » Et que là, la première partie se passerait sur Midgar. Vous êtes déjà en train de travailler sur la deuxième partie. Ça va se passer comment? Ça va aller jusqu'où? Et en fait, il y a eu un gros blanc. Et tu sentais que le type était pas du tout dans le truc. Je crois qu'ils sont même pas en train de préparer la deuxième partie, quoi. Vu le temps qu'ils ont mis à faire le. Mais je trouve ça étrange. Ils te font une partie 1 sur PS, sur ces consoles-là. On sait très bien que les nouvelles consoles arrivent. Connaissance Square Enix, ils vont faire quoi? Ils vont séparer la licence? Il va sortir la partie 1 sur une. Tant qu'elle sortit en 2020, j'aurais poussé le vice d'attendre la sortie des nouvelles consoles. Ah oui, tant qu'à faire là, à ce niveau-là, oui. Parce que après, ça ferait bizarre. Qui nous dit qu'il sortira pas directement sur la PS5? Ah oui. En HD ou en remaster ou. Il ferait les deux. Cross-gen. PS4 et PS5. C'est pas impossible. Oui, mais après, ils ont annoncé la rétrocompatibilité des jeux PS4. Est-ce qu'ils comptent là-dessus aussi pour dire. Peut-être. Oui, mais bon, attends, vous passez le rejouer, c'est rétrocompatible. Votre PS5, la PS5, ce sera une PS4.5. C'est les mêmes consoles, en plus puissant. Oui. C'est pour ça que c'est rétrocompatible. Peut-être, je sais pas si je joue là-dessus. Le problème, c'est que Midgar, moi, je trouve que ça va faire vachement gris. Tout se passe à Midgar. Alors, ben, niveau couleur, on va pas s'éclater, les mecs. Hein. Après, Midgar, c'est la partie sombre du jeu, quoi. Ouais, c'est la vie d'usine quoi, c'est pas. Ça me plaît pas du tout. Moi, je suis triste, j'aurais pas encore le Gold Saucer à tester. Après, il y a les doublages en français, ça j'apprécie. Non, ça c'est bien. Doublé en français, ça me plaît. Alors, j'ai changé d'avis en fait. J'étais vraiment pas chaud pour FFZ, à force de voir les vidéos. Ouais, je pourrais me laisser tenter. Franchement, moi je pense que oui. Moi ouais. Je pense que je pourrais me l'acheter, tu vois, par exemple. Ça me plaît. Toi, même, tu pourrais te l'acheter ? Ouais, niveau mode de combat et tout, je trouve que ça change. C'est pas aussi fifou que les autres, tu vois. Ouais. C'est, malgré le tour par tour, je trouve que l'action est bien intégrée. Je suis curieux. Un peu plus... Je suis curieux. Tu contrôles un peu plus tes faits et gestes, quoi. Oui, oui. Bon, c'est malgré que tu contrôles pas tous les persos. À la volée, si tu peux les changer, ouais, tu peux les changer mais... avec une touche. Alors, j'ai eu plusieurs avis de journalistes qui étaient présents sur place, qui en plus qui s'étaient pas forcément concertés, qui ont eu le même truc de dire Square Enix, ils font un FF7 donc qui est attendu par les fans, et il y a deux possibilités. Soit ça marche et ça fait un carton, soit les fans qui sont mordus vont être très déçus et ça va tout tuer. Ça va planter la licence. Ah, moi, je pense plutôt pour ça. Ça peut pas être entre les deux. Tu dis ils font un FF7 pour les fans. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Quand tu vois la merde, je vais pas dire merde, j'ai pas joué au 15. Mais le retour qu'il y a eu du 15 avec leur système de combat, on dirait qu'il en est très inspiré. Moi, je suis pas persuadé qu'ils fassent un FF7 pour les fans. Je suis désolé. Ils font un reboot de série. Enfin, ils font un remake. Ouais. C'est surtout pour attirer des nouveaux joueurs dans... Mais c'est pas pour les fans, non, je suis pas d'accord. Bah, non, mais je veux dire, il est très attendu. Il est très attendu, mais c'est pas un FF7 pour les fans. Il a été annoncé il y a un moment. Oui, trop tôt d'ailleurs. Donc... Ah oui, beaucoup trop tôt, là, sur le coup, maintenant. Ouais. On l'attendait pour les 20 ans. Donc voilà, enfin bon, on peut parler longtemps de FF7 si tu veux. Mais... Non. Mais il a l'air. Enfin, j'ai compris ce que j'ai compris, il cherchait à approfondir l'histoire des personnages. En s'en branle. Ouais. Enfin, mais peut-être que toi, en tant que fan, t'as envie d'en... Il y a des gens, ils ont envie d'en connaître un peu plus sur leur histoire. Eh ben, tu lis, tu regardes. L'univers étendu, ça, dis-toi, c'est juste pour faire du fric. Bien sûr. Point barre. Après, il faut le prendre comme un jeu one shot. C'est peut-être pour toucher aussi des nouveaux fans. Ah, mais complètement. Oh, ah, mais oui. Ça, je suis d'accord. Comme Resident Evil 2, par exemple. Ils ont fait un remake, c'est pas pour les fans. Ah, mais là, tu vois, je suis pas d'accord. T'as toujours l'esprit. Tu vois ? Pour moi qui pouvait pas jouer oui, parce que tu as joué Resident Evil 2, ouais, bah, j'arrivais pas à jouer aux anciens. Voilà, mais ça se trouve, moi, ça FF7, tu vas kiffer ta race. Peut-être, non, mais après, voilà, c'est du conditionnel tout ce que je dis. Mais après, il faut savoir qu'à la base, FF7, c'est une entité entière. L'histoire se suffit elle-même dans le premier. Là, c'est sûr que si tu fais un jeu que dans Midgar, t'as plutôt intérêt à grandir les personnages, tu veux de la durée de vie. Hein. Sinon, ça va aller très vite, parce que Midgar, en moins de 10 heures, t'es sorti de là. Oui, bah, je pense qu'il joue beaucoup sur ça. Bah, évidemment. Ah, oui. Donc. Oui, parce que si c'est pour acheter un jeu 70€ et faire 2 heures de jeu... Eh voilà, aucun intérêt. Non. Donc bon, à voir. Merci, mais non. Mais bon, je suis moins vindicatif que la première fois en disant c'est de la merde. Ouais. Faut voir. Maintenant, je... Mais c'est dommage, ce sera toujours pas en été. Ce sera pas bon le jeu de l'été, du coup. Ah, bah, en mars. L'été prochain, peut-être, mais... Même pas ton jeu d'hiver. Même pas, alors, j'ai déçu. on reste dans Final Fantasy. Vas-y. C'était prévisible. Moi, perso, je le voyais venir tôt ou tard. Ah, Final Fantasy VIII Remaster. Ouais, je le voyais pas venir parce qu'ils en ont jamais sorti. À chaque fois, ils le sortent à la bourre. Je sentais venir. Moi, je savais qu'un jour ou l'autre, ça allait arriver sur le devant de la scène. Bah, tu sais, tu as la légende comme quoi le code source a été perdu. Hein, donc, Ouais. Non, mais content. Pourquoi pas. Ouais. Ça vaut le coup. Après, bien. Tout le monde veut tout. J'ai regardé les commentaires des gens, tout le monde dit chouette, tu vas pouvoir rejouer au jeu de cartes, comment ça s'appelle Le triple triade. Ouais. Voilà, tout. Ah oui, c'est énorme ce jeu. Ouais. Ah, ils veulent tous le jeu pour ça. Ah, je suis d'accord. Bah, télécharger le jeu sur téléphone, il existe. Ouais, je sais, ouais. Ah bon? Ouais. Ah ouais. Le jeu de cartes. Le jeu de cartes, ouais, oui. Ouais. Ah non, je crois que le jeu, le FF8, il doit... Ah, peut-être pas. Mais ça se trouve, il est sur le store. Peut-être. Bon, enfin bon, ça, là n'est pas la question. Ensuite, pas une nouveauté, c'était déjà annoncé. C'était dans les FF. Les FF Crystal Chronicle, on en parle ou pas? Ah, je l'ai pas noté parce que ça m'a pas. Mais oui, vas-y. Ah bah, il est sorti sur GameCube, tout le monde attendait, c'est un petit RPG tactique, il ressort, et bah, c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Il ressort sur quoi? Sur les nouvelles consoles. D'accord. Enfin, sur les nouvelles, sur PS4, Xbox, Switch, certainement, je sais pas trop. Voilà. D'accord. Donc voilà, mais c'est important de le préciser, parce qu'il est bien. Je disais, là, non, ça avait déjà été annoncé, mais là on en a vu beaucoup plus. C'est Dragon Ball Z, le fameux RPG qui est prévu. Tu parles que des jeux que j'ai bien signalé que je vais en parler. Tu vois. Ah, tu vois. Ouais. Il s'appellera Dragon Ball Z Kakarot. Ouais. Donc. tu vas te la manger ta Kakarot, ça sert à avancer. Et donc, du coup. Dédicace. Oui, non, je comprends. Et donc, du coup, bah, on a vu du gameplay. Ouais. Et bien, moi, c'est pas ce que j'attendais. Ah bon? Putain, moi, j'ai kiffé de fou. Ouais, moi aussi. J'ai pas dit que j'ai pas aimé. C'est. Quand il avait présenté la première fois, je pensais vraiment que ça allait être un truc qui suit. Tu vois, vraiment un truc qui suit l'histoire, tout ça. J'ai vu. Non, mais j'ai vu des choses qui. Ça colle pas. Après, c'est un open world. Faut s'occuper aussi dans l'open world. Mais l'histoire principale. Bah si, ça va suivre. C'est l'histoire. Tu vois, par exemple, le truc qui meuf. La pêche, ça a dû me décevoir. Ouais. Son Goku qui se fout. En clin d'œil, c'est rigolo. En clin d'œil au manga, le premier manga où enfin, Son Goku est petit, il pêche comme ça. Oui, ouais, bon. Moi, je trouve ça rigolo. C'est rigolo, mais. Non. Ouais, c'est pas ce que je m'attendais trop. Enfin, bref. Bon, la vue de la troisième personne m'a pas dérangé. Mm-hmm. Ça a l'air hyper dynamique. Non, ça a l'air. Le baston et tout. Après, ouais. Après, ça reste toujours en mode test, je suppose. Oui, c'est pas fini, le jeu est pas fini. Mais j'ai trouvé que le monde était un peu désertique. Ah, tu vois ? Ouais, c'est la dure cul. Il n'y a pas beaucoup de maisons autour. On a vu des parties en forêt, je crois. Oui, beaucoup après, de parties c'est en forêt. Désert aussi, mais bon. Parce que dans le trailer, on a vu une partie dans la ville, ça avait l'air sympa. Faut voir la gueule de la ville, faut voir la taille de l'open world. Non, je. Ouais, ça peut être sympa, je trouve. Enfin, des quêtes annexes. Ouais. J'ai vu que tu pouvais battre des dinosaures aussi. Ouais, ça peut être sympa. C'est rigolo. Après, faut le faire vivre justement, cet open world. Moi, honnêtement, j'attends de voir comment ils vont développer l'histoire. Moi, je pense. Après, j'attends de voir jusqu'où va l'histoire. Déjà, ça aussi, c'est un point d'interrogation. Elle débute où l'histoire? Avec Raditz? Elle débute avant, à partir de DBZ. Ouais, donc. Parce qu'on est tout petit. Ouais, d'accord. Ouais, de Raditz. On débute alors que Saiyan. Moi, honnêtement, je les attends sur ça. S'ils commencent à faire des déviations, tout ça sur l'histoire, ça me pète les burnes. Là, je me dis, oui, clair, je vais pas aimer. Mais je pense que c'est l'histoire de Kakarot. Oui. Ils vont pas faire de déviation. Moi, je pense que c'est genre Raditz, après c'est Vegeta. Nappa Vegeta. Ouais. Après, c'est les cyborgs. Donc, du coup, Sangoku meurt, il va au paradis, tu vois. Cyborg, c'est. Si t'es Sangoku, je pense qu'ils vont faire tous les DBZ. Jusqu'à bout. En général, il le coupe pas comme ça. Il le coupe jusqu'à Freezer. Oui, mais après, qu'après il se transforme en Super Saiyan, ce serait con d'arrêter le jeu là. Ouais. Donc, je me dis peut-être jusqu'à Cell. Ou peut-être jusqu'à Freezer. Hein. Et après, il fera un autre avec Cell et Boo. Peut-être. Sachant que l'arc Boo est pas le plus intéressant de mon point de vue. Il est sympa. Hein, mais jusqu'à Cell, je trouve que ça déboîte. Je sais pas. Après, c'est une structure RPG, donc t'auras la quête principale et t'auras tes quêtes annexes. Il faudra des quêtes annexes, je suis complètement d'accord, je veux pas. Mais c'est pas une déviance de l'histoire. Non, les quêtes annexes, je les accepte, mais faudra pas. À moins que t'aies des DLC après. C'est bizarre, ça, c'est Bandai. Se connaissant Bandai, c'est pas impossible. Payante, oui, à 30 euros, c'est pas impossible. T'auras jusqu'à Freezer et puis après, il faudra acheter Cell, il faudra acheter Boo. Il serait gaufré. Non, mais connaissant Bandai, c'est sûr, t'auras des tenues, des accessoires, des machins. Ouais. Enfin, je les vois venir gros comme une maison, mais bon. Ça, c'est les spécialistes pour ça. Je pense que ça peut être un jeu sympa. C'est un jeu qui me donne envie d'acheter. Je trouve que c'est pas assez ambitieux. Tu vois, ce mode de jeu avec de Dragon Ball jusqu'à Dragon Ball Z, ça aurait pu être aussi sympa. Parce que Sangoku, il est pas balèze, machin, mais il a des compétences. T'as une bonne histoire marrante. Moi, je trouve que ça aurait pu être bien sympa. Après, ça a pas déjà été fait, ça. Sur Game Boy Advance. J'ai vu aussi. Il y en avait un sur Wii aussi. Sur Wii, oui, si exactement. Alors il est très oubliable. Ouais. Bah, ouais, il est petit, tu vois, c'est Dragon Ball. Mais tu vois où tu vois l'évolution de ton personnage quand il grandit, parce que il grandit. Je suis un peu de la guise, moi, tu vois, j'aurais bien démarré au tout début de l'histoire de Dragon Ball. Alors t'es de mon avis à moi. De ton avis à toi. De ton avis à toi. J'aurais bien démarré au tout début de l'histoire de Dragon Ball, parce que pour lancer comme ça un tel RPG, je trouvais que c'était plus. Et tu t'arrêtes à la fin quand il va se marier avec Chichi. Ouais. Et tu reprends OZ. Voilà. Ouais, je l'aurais plus contenté comme ça. Je suis curieux. Tu pars en plein milieu de l'histoire, parce que Dragon Ball Z, c'est le milieu de l'histoire. Tu pars un peu comme ça, c'est. Après, il est connu, Zangou. Mais bon. Oui. Parce que les aventures de Dragon Ball. Et les fans n'auraient pas rejeté, au contraire, parce que les fans adorent Dragon Ball, le tout premier. Donc. Mais c'est sympa, et puis l'armée du ruban rouge, les cyborgs. Ah ouais, t'as de quoi faire. Hein. Ouais. Et là, t'aurais vu du monde, parce qu'il voyage vraiment autour de la planète pour sa quête de Dragon Ball. Ah ouais. Parce que c'est ça l'objectif à la base, hein, avant la baston. Ça, c'était parfait pour faire un RPG. Mais bon. Après, voilà, à voir ce que ça donne. Bon, je continue. C'est pas une exclue en plus. C'est pas une exclue PS4. Ah non, non, c'est pas une exclue du tout. Non. On a présenté conférencier Xbox. Xbox. Xbox. Senegal. Ah non, c'est EA. Je continue pour ma part. Enfin, pour ta part, non, tu continues, c'est toi qui présente. Non, parce que là, je sais que je vais être le seul à le citer celui-là. Ah. Je voulais juste le faire. Fais gaffe, il a changé. Oh, ouf. Changé. EA a présenté FIFA 20. Ah bah oui, ça t'as gagné. Moi je l'ai pas mis. Non, je voulais juste dire que j'étais content, ils ont rajouté le. Ils ont remis le mode FIFA Street. Oui, Volt. Volto. Qui s'appelait Volta. Volta. Voilà. Donc je suis content parce que FIFA Street c'était vraiment un truc. Bah, c'est le seul truc qui me faisait triper moi. Non mais voilà, tu vois. Donc ça pourrait éventuellement, pourquoi pas, te faire acheter FIFA. Non, mais. Non, quand même pas. En gratuit, ouais, s'ils feraient une version gratuite de ça, pourquoi pas. Ça c'est pour être rigolo. Donc voilà, non mais je suis content parce que ça fait des années que les fans de FIFA disent oui, depuis le 16, 17, ça change pas, machin, tout. Ouais. Ils ont pas tort. Bien se dire, en fait. Ouais. Là, apparemment, ils ont décidé de faire autre chose. Donc bon, c'est bien. Qui m'a marqué aussi, Doom Eternal. Absolument pas. Pas du tout ? Non. J'ai bien aimé, j'ai regardé les gameplay, j'ai bien aimé les. Ça reste du Doom. C'est du fast FPS, vraiment. Voilà, ils sont pas partis ailleurs. Mais ils ont rajouté pas mal de façons de jouer. Comme ils rajoutaient un double saut, de permettre au personnage de s'accrocher. Ça donne une autre sensation au gameplay. Ouais. Toujours aussi sanglant et brutal, il n'y a pas de problème. Ah, les univers, apparemment, tu vas dans le paradis, dans l'enfer. Ouais. Ouais, donc, non, je suis content. Un jeu qui date quand même comme ça, qui fait son petit bonhomme de chemin. Il est ressorti il n'y a pas très longtemps. Doom sur PS4, il était sorti il y a un petit moment. Oui, il y a un petit moment. Mais, bon. Mais non, je veux dire, il. Ah ouais, non, mais très bien. C'est toujours du appliqué, c'est très super. Je sais même pas s'il est pas en VR. Si. Il y en a un en VR. VFR. A very oui, voilà, fucking VFR. Reality. Il devrait le faire. Ah bah ouais, du coup. Mm-hmm. Ça pourrait être sympa ça. Voilà. Annonce aussi étonnante que. Bof. Ouais. Bethesda, ils ont eu les coronaises de Paris de Fallout 76. Oh merde, j'ai même pas noté. Tu l'as pas noté ? Bah non. Alors non. Tout le monde s'est dit bon. Il est gratuit du 10 au 17. Et quand l'enregistrement sortira, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Fallout 76, tout le monde s'est dit, personne, ils vont pas en parler, ils en ont tellement honte. Si, si, ils l'ont fait. Mais ils ont pas peur. Pour annoncer quoi ? Un Battle Royale. Ouais, Donc si c'est comme ça qu'ils espèrent. Ils ont compris que la mode était passée ou pas ? Ouais, parce que là, ça commence un peu. C'est relou. Battle Royale. Bah, à force, voilà, et ça y est. C'était. Et donc du coup, moi j'ai envie de dire, plutôt que de faire un Battle Royale pour essayer de relancer le jeu, remettez le jeu à jour parce qu'il est toujours aussi buggé aussi. Ouais, ou arrêtez de parler de Skyrim, enfin d'Elder Scrolls. Après c'est bien qu'il abandonne pas. Hein. C'est... Ouh, bah, il doit y avoir des fans. Si tu prends No Man's Sky, il était raté à leur sortie, maintenant il est très bien, tu vois. Oui. Donc oui. Ils peuvent le faire, mais c'est pas un Battle Royale qui va le relancer. Faut que je le passe d'ailleurs, pour le DR. Je sais pas si le patch est sorti. De quoi ? No Man's Sky, que tu testes en VR aussi. Ah oui, c'est toi le test en VR. Ça va être dégueulasse en VR. Ouais, je trouve que c'est sympa. Mais je connais même pas le jeu, alors je vais dire. Tu t'es écrasé sur une planète et tu te démerdes. La survie. D'accord. Et le but c'est d'atteindre le centre de la galaxie. D'accord. Voilà. Non, mais ça peut être bien. Bethesda, t'es un ouf toi. Annoncé aussi et belle surprise pour le. Attends, excuse-moi, Bethesda. Si, il y a un truc qui m'intéressait. Ah. Le trailer de Ghostwire Tokyo. Ah, où la population disparaît et il y a un survivant qui semble affronter les esprits et des démons. Ah, tu l'as mis après ? Mais c'était la conférence Bethesda, c'est pour ça. Mais oui, j'ai pas mis par conférence, c'est pour ah, ça. Ah merde. Donc du coup, voilà, celui-là m'intéresse. Ouais. Ça a l'air sympa, mais on a vu qu'un trailer. Donc, Survival Aurore. Psycho, un peu, esprit, machin. Toi aussi, ça te plairait, je suis sûr. Pas si t'as noté. Ah ouais, non, je l'ai pas noté. Gaffe, moi j'ai beaucoup de trucs à dire. On te montre. Je continue ? Vous allez vous croiser. De toute façon. Au niveau Nintendo, vous allez vous croiser. Ah bah attends, il n'y est pas encore. Je garde Nintendo. Garde le mot pour la fin. Ok. Putain, mais tu t'es pas brûlé les doigts à écrire tout ça ? Non, franchement pas, tu vois. Parce que pour moi, c'est la première fois que je suis le 3 et c'est trop fouillé pour moi. C'était pas la meilleure année. Il y a beaucoup. Il y a trop d'infos. Ah, c'était pas la meilleure année pour commencer. Je suis pas fan des conventions. J'aime bien quand ça sort tranquillou, moi en fait. Ah ouais, alors là, t'es mal barré. Quand c'est bien fait aussi, quand ils ont annoncé Final Fantasy VII Remake, t'en rappelles? Bah moi j'ai vu que le... j'ai regardé que ça. C'est toi qui m'as envoyé la notice. T'as les gens dans la salle, ils ont regardé, puis là ils ont compris que c'était ça, putain ils ont gueulé, what? C'était comme en plein concert, tu sais, tu vois. Ah, ouais, après ils pensaient que ce serait bien. Bon, le problème c'est que ils pensaient l'avoir déjà, là, tu vois. En jeu annoncé avec une petite surprise, c'est Cyberpunk 2077. Ah, celui-là, ouais. Je l'ai noté. Tu l'as noté? Je l'ai acheté direct. Avec qui? En guette. Keanu Reeves qui était présent. Et qui était bourré. Et qui était pompette. Ah, oui. Il avait bien raison. T'as pas vu? Non, j'ai pas vu. Il était un petit peu. Ouais, mais il a raison, faut profiter. Toi, tu vas acheter ça? T'es pas un comme ça? Beaucoup. Non, mais. Il a changé. On le dit à chaque podcast, il a changé. C'est un FPS. Ah non, c'est RPG. C'est pas un FPS. Ah non, j'ai vu FPS. Hein. C'est un RPG. On parle pas de la même chose. Alors. Si, si. Si, c'est un RPG, mais un FPS. Ouais. Vu FPS. Ah oui, il a vu FPS. Mais c'est un RPG. Bah alors, ça peut être sympa. Ça peut. Ah, bon, l'univers bon, m'a. L'univers m'a. L'univers, ouais. Sympa. Cyberpunk, celui-là. Je m'arrête pas au fait que ce soit un RPG. Ah non, mais, non, mais très bien. Non, bon. Ça va être. Ça tranquille. J'aime bien te taquiner, tu sais. Ça a été une des plus sympas annonces de l'E3, je trouve. Donc, la présence de Keanu Reeves, ça fait toujours. Ça fait. Ah, ça fonctionne dans la salle. Ça fait toujours. Bah, déjà, quand tu vois un trailer, dans la vidéo, t'es bluffé. Ouais. Et là, c'est lui qui présente, qui annonce la date de sortie. Ça. Bon, comme il était un peu. Faut que tu regardes la vidéo, il était un petit peu. Il y en a qui sont pas contents par rapport à ça. Pourquoi? Bah, il fallait pas se sentir obligé de mettre Keanu Reeves pour un tel jeu. Bah, pourquoi pas? Ah, moi, ça me dérange pas, au contraire. Je trouve sympa quand il y a une petite Gates comme ça. Mais t'es pas content? Non, il y en a, ils tweetent vachement le fait que ben, un tel jeu n'avait pas besoin d'avoir. Enfin, il y a des gens, ils n'ont pas envie de penser à Keanu Reeves quand ils jouent au jeu. Ouais, ça, oh, ça c'est un plus. Ça te dérange, toi, perso? Non, ça me dérange pas. Déjà, l'acteur, je l'aime bien, il est sympathique. Ouais. Et puis, je m'en fous, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Ils font tout ça, tu verras quand tu joueras Dead or Become Human. Oui, oui, il y a ouais, ça. Mais et regardez, Days Gone, c'est pareil. Bah oui, c'est un perso. C'est un acteur. C'est un acteur qui existe, voilà, donc. Pourquoi peut-être moins connu que Keanu Reeves. Pourquoi il n'y a pas un autre? Moi j'aime bien, ça fait un petit, ça donne un petit côté, un petit oui, plus. Oui. Non, non. Et j'ai bien aimé aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui tweetent. Quand tu le vois dans le dans la vidéo du jeu qui est sorti, ouais. Il a un mélange de Matrix et de John Wick. Ouais. Parce qu'il a la même coupe que John Wick, ouais. Et il a les lunettes de Matrix. Lunettes. Ouais, c'est pas faux. Ah, il a fait plein tellement de trucs aussi. Ah, ça. Bon, moi, ce, non, ça m'a pas choqué. C'est dommage qu'il ait pas sa planche de surf avec lui. Point break. Et qu'il arrête un bus. C'est quoi le film? Speed. D'accord. Après, c'est, okay. Lui, c'est lui dedans. Putain, il est jeune alors. Il était jeune. Ah, putain, je voyais pas comme ça. Moi, je me rappelle que de Sandra Bullock. Bizarre. Bon, bref, après. Je me rappelle que c'est ce qui est bien, ouais. Ce qui est bien, ouais. Ouais, ouais, bon, ok. Super. Donc cool. Voilà. Mais qui n'est pas forcément dans mes attentes et dans mes préférés de la convention, hein, je te le dis de suite. Ah, moi ça m'a bien plu. Moi aussi. C'est juste dommage qu'il arrive bourré, quoi. Mais c'est... Non, bon, dommage, non, je trouve ça. Il a raison. Ah, ça il fait du buzz, mais... Il y a un peu de piment dans le 3, quoi. Mais bien sûr. Star Wars Jedi Fallen? Non, du tout. Non plus. Moi je suis content parce que. Je suis pas fan, hein. Ouais. Mais j'ai bien aimé. Ah. Non, j'ai bien aimé, ça m'a. Je sais pas, ça m'a rappelé les vieux Star Wars que je jouais sur la Super Nintendo là. Non, le fait, je sais pas, la musique non. Peut-être qui m'a. Ça reste dans l'univers Star Wars. Ça pourrait m'intéresser. Ah, tu sais, peut-être pas m'acheter, mais. Ouais, est-ce qu'il prête? Ouais, non, je sais pas, ça avait l'air sympa. Alors après, j'ai jamais joué à Star Wars. C'est pas au ressort. Alors moi, ça m'a rappelé le pouvoir de la Force un peu. C'est pareil, au on va utiliser le. Ouais, se servir d'un Jedi, donc. Après. Ceux qui étaient sur place, apparemment, ils ont dit c'est pas sûr qu'il soit si bien que ça. D'accord. Donc, je crois que Star Wars, c'est le film qui a eu le droit à le plus d'adaptations vidéoludiques. Il me semble de mémoire. Et il y a eu des bons et il y a eu des moins bons, donc voilà. Ouais. On sait jamais quoi. Oh, bon. Tu vas pas parler de celui que je veux que tu parles, hein, putain. J'en ai encore plein. Ah bah, moi aussi. Ouais, Watch Dogs Légion a été annoncé. Ça, c'était moi attendu et c'était une bonne surprise parce qu'on on part sur des mécaniques un peu différentes. Ouais, j'ai une phrase. Il se passera à Londres, c'est tout. Voilà ce que je viens de dire pour ça. Donc là, on incarne plus un héros, mais on incarne. T'as vu de façon aléatoire, ouais, si on veut. Tu peux hacker les personnes. Tu choisis. Voilà. Une personne, une grand-mère, un homme, une femme, machin. Donc, ça peut être sympa, je pense, parce qu'il fallait qu'ils changent leur système de jeu. Ouais, pour pas tomber dans parce la routine. Parce que j'ai joué au 1 beaucoup. Enfin, je l'ai fini. Mais le 2, je l'ai lâché. Tu l'as fini. Alors, le 2... C'est répétitif, non c'est... Je sais pas. L'histoire, non. Si tu fais que l'histoire, c'est pas très répétitif. C'est un peu comme tous les jeux où tu... Ouais, comme Horizon, ouais. Et trucs comme ça, c'est répétitif, oui. Mais le 2, je l'ai lâché. Tu vois. Ouais, t'as pas... Il t'a pas retenu, ce jeu. Parce que j'ai eu l'impression de rejouer au même jeu. Ouais, voilà. Ça, c'est... Watchdog, ouais. Okay. Oui, je suis curieux. Moi aussi. À Ubisoft, je crois que c'est leur c'est le jeu qu'ils ont annoncé qui était le plus sympa. Très bien. Ouais. Oui, okay. Ubisoft, non, mais non. Ah non, pardon. Roller Champion. Je l'ai mis juste après. J'ai oublié. Roller Champion. T'avais vu Roller Champion? Alors, lui qui va remplacer Rocket League, ils disent. Remplacer, je trouve que c'est un bien grand mot parce que c'est... Niveau gameplay, ça n'a pas l'air fifou non plus. Ça remplacera pas Rocket League. Rocket League est bien ancré dans. Beaucoup moins technique. Et le bruit des rollers, oh, que ça m'a gonflé. Clac, clac, clac, clac, roller. Fallait les faire sur coussin d'air, ces putains de rollers. Je sais pas, trouver un truc. Il a pas l'air si fun que ça. Je l'ai mis pourtant, et avec du retour, je me dis. Un jeu comme ça, c'est. Il est gratuit, heureusement. C'est pareil, ça sort, ça marche ou ça marche pas. Ah oui, mais il est gratuit. Ils ont raison. Hein. Oh oui. Pas, mais. Donc, mitigé. Voilà. Ce sera peut-être dans le même dossier si. Que Apex. Ouais. Ah oui, peut-être. Mais il a fonctionné au début. Lui, j'ai peur que. Oh, tu vois. Que Laser League. Dans le concept, il avait l'air sympa. Ah, oh, mais c'est pas pareil. Ça, c'est. Je c'est suis spécial. D'accord. C'est spécial. Laser League, non, c'est spécial. Pas. C'est spécial. Ah, si, chez Ubisoft. Ah, tu voulais faire. Vas-y. J'ai pas vu de vidéo de gameplay, par contre. Ah ouais, j'en ai vu. Et alors, c'est pas ouf. Je trouve pas ça ouf, en fait, au final. Ça peut être rigolo, faut tester, c'est gratuit. Si, chez Ubisoft, t'as Gods and Monsters, le Zelda-like développé par ouais. Le développeur d'Assassin's Creed. Alors, oui, mais il y a eu un problème là-dessus. Ah, oui. Dites-moi. Okay, bah, c'est ce que Nintendo a annoncé tout de suite après, ouais. Ça l'a totalement évincé. C'est direct. Parce que franchement, j'ai vrai que moi aussi... Honnêtement, t'as vu la photo, à quoi t'as pensé de suite quand t'as vu la photo de départ là? Je me rappelle même pas. Le personnage sur une plaine comme ça et tout. Zelda Breath of the Wild. Bah ouais, complet. Direct. Ouais, mais c'est par les mecs. Ouais, faut voir. Moi, faut pas être si affirmatif. Et Nintendo est passé derrière le jeu, plus personne n'en a parlé, c'est terminé. Bah oui, Zelda Breath of the Wild 2. Ah oui. La suite est en préparation. Oui, mais elle sort pas là maintenant. Elle est juste en préparation. Ouais, ça peut être un petit bonbon, faut voir. Ah, sur le coup, ils ont. Je crois qu'ils se. Moi je trouve le concept sympa, la DA sympa. Non, après ça peut être mythologie scandinave, je crois en plus. Non, c'était. Ça sera présent sur plusieurs consoles, donc. À voir. Ça, c'est un Zelda-like. Voilà, bah, ceux qui sont que sur PS4, ils seront peut-être contents de l'avoir. Ouais, voilà, tout à fait. Voilà. Ou sur Xbox. C'est juste dommage que. Voilà, c'était pas le bon timing. Ok, autant bon pour moi. Bah, je te laisse continuer alors si je peux te dire. Petite info sur Shenmue 3. Donc on savait qu'il avait été repoussé, ça on le savait depuis un moment. Oh merde. Les gens qui l'ont testé... Sont pas contents. Enfin, sont plutôt déçus. Ouais, parce qu'apparemment, techniquement, il est daté. Mais j'ai vu des images. Non, c'est craqué. Ouais. Il te montre un perso principal de Shenmue 3 et un PNJ de n'importe quel autre jeu, tu fais... Ah, ouais. C'est chaud. Alors, on savait qu'ils avaient des soucis de budget et tout ça, tu sais, pour le... C'était Kickstarter, ouais. Voilà. Ouais. Et je crois qu'ils n'ont pas eu assez d'argent. D'accord. Alors, ils disent oui. Passion, arrête, les petits studios, ils te font Plague Tales, ils n'ont pas beaucoup. Ouais, je pense pas peut-être qu'ils ont leur fait des chèques, mais merde. C'est peut-être pour ça qu'il a été repoussé, peut-être qu'ils vont essayer d'améliorer le truc, mais bon, ils ont intérêt quoi. Ils développent sur un kit de Dreamcast, je crois, encore. Ouais, je crois. C'est une blague. Non, je sais pas, non, il y a pas un truc là. J'espère pas. Alors, je sais pas, là tu m'as. Parce que je sais pas qu'ils voulaient garder un peu le côté. Ouais, mais non. Du 1 et du 2, tu sais, mais. Ils voulaient pas se dénaturiser. Voilà. C'est raté. Et du coup, c'est daté. C'est bien. Deux petits jeux et après on passe à la conférence Nintendo. On a vu des images de Monster Hunter World Iceborne. Putain, j'ai même pas regardé. T'as pas regardé? J'ai pas vu du tout. Moi non plus. Vous avez pas vu? Ah, passé sous les radars. Ça a l'air d'être une. Tuerie. Oh, ça, je suis pas trop inquiet. Ça, plus je regarde, plus j'ai envie de me remettre Monster Hunter. Voilà. Oh, bah, allez-y. Remettez-vous. On a tellement de jeux à faire, comme dit Guise. Ouais. Mais bon, moi, je pense que je passerai à l'abstention. Il sort quand ? En automne. Ouais. Putain, c'est donc, toujours pas mon jeu de l'été. Non plus. Putain. C'est même pas ton jeu d'hiver. Ce sera ton jeu d'automne. Non, mais tu sais, pendant l'été, t'as 3 semaines où tu bulles un peu. Oui, mais pendant l'hiver, t'as 2 semaines. Alors, Marc, c'est pas faux. Mais l'automne, t'as pas de vacances. Donc, tu joueras cet hiver. Bah voilà. Ouais, vendu. Ah, tu vois. Toi, tu vas finir par vendre chez Capcom. Il y a eu beaucoup de jeux à présenter, j'en ai retenu un. Vas-y. 12 minutes. Oh putain, je croyais que t'allais jamais en parler. Je l'ai mis à la fin. Putain. T'as vu 12 minutes? Super sympa. C'est le temps qui reste jusqu'à la fin du podcast, quoi. Non, mais c'est vrai que. C'est un jeu indé, le concept, il a l'air terrible. Vas-y, développe, c'est parti. T'as une vue du dessus. T'es dans un appartement, hein, c'est n'importe où. Ouais, c'est un petit appartement. Tu joues le rôle d'un homme, je sais pas trop, il joue pas du nom, tout ça. Un homme. Et en fait, il est dans une boucle temporelle. C'est-à-dire que toutes les 12 minutes, il revit le moment. Oh putain. Et de là, bah, en fait, ça s'en suit une espèce de petite histoire. Où tu dois débloquer la situation. Tu dois débloquer la situation puisque toi, pas vivre, toutes les 12 minutes, tu revis ce que t'as vu. Il faut que tu. En gros, tu dînes avec ta femme, ce qui s'est passé. Un détective qui rentre, il accuse de meurtre, il te bat à mort, tu crèves, tu recommences. Oh putain. Et tu recommences. Et là, il faut que tu anticipes du coup ce que t'as vu. Et le concept. Ouais, le concept est fort. Ça peut être une bonne surprise. Ce genre de truc que je déteste quand je regarde une série ou un film, tu vois. T'as pas aimé Edge of Tomorrow? Je l'ai pas vu. Ah. Regarde Interstellar déjà, je vais pas te balancer plein de films parce que. Open. Pourtant, il me disait bien sûr. Interstellar? Tom Cruise. Ah ouais, oui. Ouais, c'est ça. Edge of Tomorrow, ouais. Ah, il est sympa. Mais c'est un peu. Regarde Le Jour sans fin, avec les... Le Jour de la Marmotte. Ça, tu le connais quand même. Bonjour et bienvenue pour Le Jour de la Marmotte. Ça, le jour est sans fin. Un jour sans fin. Un jour sans fin, pardon. Oui. J'ai pas dit ça? Ouais, c'est ça. Bon. Et donc 12 minutes graphiquement, c'est propre. Bon, après, c'est pas compliqué. Genre, j'aime bien le style graphique et le concept. Le concept est. Et la tâche, super. J'ai fini. J'ai gardé la partie Nintendo pour la fin. Bon, alors attends, t'as d'autres trucs à rajouter, tu peux y aller. Oui, qu'il va y avoir un remake de Destroy All Humans avec un trailer qui a été très fun, qui garde l'humour sarcastique du jeu d'origine que j'avais commencé, que j'ai débuté sur PlayStation 2. Et tu commences, t'as un alien qui arrive sur Terre et ton but c'est de désinguer ces cons d'humains. Terrible, ouais, ça fait un petit côté Mars Attack. D'accord, ouais, je t'entends. Je vois ce que c'est, mais j'ai jamais parlé sur Twitter. Ouais, mais ça m'avait l'air rigolo. Minecraft Dungeon, t'as pas abordé. Minecraft mélangé à Diablo. Pourquoi pas, à voir. Ouais, ouais. C'est pas trop mon style, mais pourquoi pas. Elden Ring, donc là j'ai abordé le sujet vite fait parce que bon, le temps tourne. Elden Ring, développé par From Software, le développeur de Dark Souls, et scénarisé par George R.R. Martins, le scénariste de Game of Thrones. Le jeu est... On est curieux de voir ce que ça donne. Ok. On a Vampire The Masquerade The Bloodline, juste mi-début 2020, donc c'est un jeu, voilà, j'ai pas plus d'infos que ça, mais okay. Il avait l'air sympa. Et là, on en est... Et le Square Enix, t'as pas parlé d'Avenger, du projet Avenger. Ouais. Et ça m'étonne. Mais pourquoi je l'ai pas mis? Bah oui, c'est étonnant. Pourquoi tu l'as pas mis? Parce que venant de toi en plus, je me suis dit que t'allais reparler. Ah oui, si, parce que je voulais en parler en plus. Non, j'ai oublié de le noter. Et bon. Que je suis déçu. Pourquoi? Bon, on peut incarner tous les Avengers. Ah ouais, non, mais le chara-design, j'ai pas aimé. Ah, ouais, d'accord, ouais, ça c'est mon parti graphique, ouais, ok. Bah, c'est pas les mêmes têtes, hein. Non, mais je m'attendais. Alors, je voulais pas qu'ils ressemblent aux acteurs du film, il y a tout ça, mais. Niveau chara-design, j'ai pas du tout aimé. Pour le moment, je suis pas super convaincu. Voilà, maintenant j'attends plus. J'espère être convaincu, parce que moi, comme tu l'as dit, tu me connais, moi j'adore. Hein. Ah bah, je suis le premier client, hein. Mais après. Bah allez, on enchaîne sur Nintendo, mais là il faut vraiment faire très vite. Donc... Allez, on y va. Je commence. Vas-y, je teste Nintendo. Juste un petit truc pour dire que Cadence Hyrule a été annoncé et il est sorti directement après la conférence. Quelques jours après la conférence. C'était très bien. Ça, c'est les trucs que j'aime bien qu'ils fassent. Voilà. Et c'était donc Crypt of the Necronancer, un jeu de RPG rythmique qui s'est mélangé avec Zelda et donc qui a eu la licence de Hyrule. Super sympa. Ensuite, on a Collections of Mana qui est ressorti aussi, lui, par contre, directement après la conférence. Donc la compile des deux, trois premiers Secret of Mana, la trilogie Mana. Et dans la foulée, on a eu droit à Trial of Mana. Donc c'est Seiken Densetsu 3 qui n'est jamais sorti en Europe et qui sortira enfin remasterisé avec des jolis graphismes. 6 personnages différents, on peut en choisir 3. Le scénario changera au fur et à mesure de la partie. Ça me semble sympa. Et je te laisse pour la suite parce que je pense qu'on va aborder 2-3 jeux. Ah si, juste un petit truc. Vas-y, vas-y. The Dark Crystal, sponsorisé par Netflix. Qu'est-ce qu'ils ont branlé avec cette direction artistique? C'est dégueulasse, c'est moche. Ça peut l'air bien. Je connais pas. Eh ben, c'est... regarde pas, c'est moche. Tu vas faire le pas ce que Netflix aimait les foutre là-dedans. Écoute, voilà. Après, il me reste deux jeux, je te laisse en parler. Enfin, il n'en reste pas, mais je... voilà. Animal Crossing, New Horizon. Je l'ai pas noté spécial. Vous me connaissez, j'adore Animal Crossing. Mm-hmm. Beaucoup plus développé, tu peux vraiment là, faire ce que tu veux de ton terrain, en plus de ta maison, tout ça. Tu peux jouer à deux, en simultané. En coop, ouais. En coop, ça peut être vachement sympa. Déçu parce que ça a été annoncé pour mars 2020. Il a été repoussé, mais bon, il cherche la qualité. Voilà, voilà après, bon. Donc là, le concept de craft, moi, je... super intéressant dans Animal Crossing. Moi, j'attends beaucoup parce que si je prends une Switch, c'est en partie aussi pour ce jeu, mais j'adore Animal Crossing. Mm-hmm. Je suis content. Parce qu'on en parlait en plus au BGF et c'est tombé juste après. Panzer Dragoon. Ouais. Il ressort Panzer Dragoon qui était un super jeu sur Dreamcast. C'est un remake, on est d'accord. Oh bah oui, mais on l'a pas eu. Voilà, je suis super content qu'il le sorte. Luigi Mansion 3. Je l'ai noté, voilà, jeu en coop jusqu'à 8, c'est pas trop rigolo. Pareil, je pense que ça peut. Ça va être une. C'est une bonne licence de chez Nintendo. The Witcher 3, bon, portage. Alors là, je l'ai noté aussi, mais alors par contre. Est-ce que la Switch va supporter The Witcher 3? Ils vont faire des concessions. Ils ont réussi avec Doom. Ouais. Donc pourquoi pas? Après, il faut faire des concessions. Je joue aussi gourmand sur Switch, je suis pas... Ah ouais, mais tu peux jouer aux toilettes. Pas convaincu. Voilà. Dans Super Smash Bros. Ultimate, on aura Banjo-Kazooie. Ouais. Je suis content, j'adore Banjo-Kazooie. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un truc qui a leaké. Apparemment, t'as Amazon Allemagne. Ouais. Qui a tweeté un nouveau jeu Banjo-Kazooie. Mmh. Oui, j'ai vu. Ouais. Tu l'as vu toi aussi? Mais ça n'a pas été annoncé, donc... Tu sais, les leaks, c'est... bon, bref. Ouais, bon. Et moi, quand j'avais vu ça, j'avais compris qu'il y avait un jeu qui sortait, Banjo-Kazooie. Non, non, c'est... Ouais, t'as les deux persos qui sont présents sur Smash Bros. Après, c'est peut-être aussi pour dire, oui, on va... Ils sont toujours là, on les a sous le coude. N'inquiétez pas. Et il y a aussi les quatre persos de Dragon Quest qui sont présents dans Smash Bros. Ouais, bon. Zelda Link Awakening. On a vu plus d'images, ça m'a un peu plus... moi, ça m'a un peu plus convaincu de le prendre. Tu peux pas acheter de collector, tout est vendu. Oui, ils sont jetés sur les collecteurs avec la Game Boy c'était et tout. C'était ouf. Surtout que les trois quarts, ils ont acheté le collector à 100 balles, il valait, je crois. Entre 80 et 100 balles. Et quand ils l'auront, ils vont le revendre 300. Enfin, il y a déjà des annonces. Ils vendent déjà leur précommande. C'est des enculés. Sachant que la feature des donjons... Je dis pas un gros mot, mais là, je le dis. Des donjons personnalisables, ça a l'air super sympa. Ouais. Ça, c'est un petit plus. Parce que le jeu d'origine n'est pas très long. Mais à voir. Il y a des amiibo et tout. Ouais, c'est super sympa. Ça se voit qu'on accélère là. Et moi pour finir, la grosse annonce, celle qui a surpris tout le monde, celle que personne s'attendait, Dragon Quest 11S. L'annonce de l'E3, c'est Zelda Breath of the Wild 2. Personne s'y attendait. Je l'ai même pas noté tellement que je m'attendais pas. Ah ouais, non, ça cloue tout le monde. Personne s'est dit que ça allait déjà annoncer une suite. Elle est en développement. C'est la deuxième suite d'un Zelda en fait. Il y a eu. C'est pas une suite. Ocarina. Ah non, c'est pas. Non, mais je veux dire, il y a eu Ocarina of Time, il y a eu Majora Mask. Ouais. Qui était plus ou moins... Oui, Et il y a Breath of the Wild 2 qui... Pareil, il va suivre le Breath of the Wild 1, non? Je sais pas, je n'ai pas fait... Non, apparemment, d'après ce que j'ai compris, scénaristiquement, il n'y aura pas de rapport. Donc, d'accord, ok. L'univers sera plus dark, et ça me surprend pas, étant donné qu'il y a toujours deux Zelda à peu près par console. Ouais. Ça m'a pas surpris. Enfin, non. Mais je l'attendais pas spécialement. Pas si tôt. Bah, il est en développement. Oui. FF7, il l'a annoncé il y a 3 ans. Mais c'est bien qu'il l'a annoncé, là. C'est des... Ils ont fait monter à Ménèse. On parle pas de Pokémon épée bouclier, même si c'était pas présent le 3, mais le jeu va sortir, ça a l'air déchiré. Les terres sauvages, ça va être de la folie, on va voir les Pokémon. L'effet Dynamax, on en a rien à foutre, le moteur graphisme est super. Voilà, il faut le prendre. Hein. C'était pas dans le 3, mais c'était juste avant le 3. Donc, putain, je te l'en parlais, je me dis j'en parle pas. Non. Je te l'accorde. Non, mais je te l'accorde. Je suppose que Guise a quelque chose à dire sur la Nintendo. Ouais, tiens, tu voulais dire un truc sur Nintendo. On t'écoute. Clôture, bah, je sais pas, j'attends vos nouveautés en fait. Nos nouveautés. Astral Chain, Cadence of Hyrule. Là je suis d'accord, ok. Non, après c'est. Voilà. Alors, je vais prendre le parti Nintendo, c'est dégueulasse de dire j'attends les nouveautés, puisqu'en fait, même les autres n'ont pas forcément annoncé de nouveautés. C'est vraiment, franchement, comme je l'ai dit au tout début du truc, le 3 c'était du remake, du remaster, des suites, voilà. C'était. Ouais, mais c'est Nintendo qui surfe le mieux dessus, parce qu'ils font tout. Voilà. Mais c'est Nintendo qui a fait peut-être la plus belle. Ce qui est juste était dommage, c'est qu'ils n'aient pas fait ça en scène, en direct. Ils ont fait un Nintendo Direct à l'E3. Ouais, mais c'est super bien. Je crois que c'est la seule que j'ai regardé vraiment, Nintendo Direct. De A à Z. Non, j'en ai vu d'autres, mais. Moi, je vois. Non, mais celui-là. C'était bien animé, tout. Le petit sketch de Bowser au début, c'était rigolo. Ouais. Ils le font toujours, ça. Ils font toujours des trucs comme ça. Voilà. Non, mais c'est moi. C'est tout pour moi. Bon, et voilà. Et sur ce, on va terminer avec le 3 parce que le temps tourne. Et maintenant, on va passer à notre nouveau sujet, les jeux adaptés en film. Alors, nous allons parler des adaptations de jeux vidéo en film. Ouais. Donc, j'en ai noté quelques-uns que j'ai vus et que j'ai pas vus. Bon, peut-être après, que vous les avez revus, mais on pourra en parler ensemble. Pour le dossier, j'en ai regardé. Mais j'ai pas eu le temps. Moi, j'en ai regardé. Alors, je vais commencer par un tout récent, qui est Détective Pikachu. Ah bah ça, on en a parlé. Il est bon, il est... Pour moi, il est bon, il n'y a rien à dire. Ouais, c'est un des meilleurs, je pense. C'est, il est dans mes pays. C'est fidèle au jeu. Pareil, je l'ai noté dans les meilleurs. On est d'accord. J'enchaîne sur Resident Evil. Il est dans tes meilleurs ou pas? Moi, j'aime bien. Il n'est pas dans les meilleurs. Moi, j'aime bien. Moi, dans le... Après, je suis peut-être pas trop l'histoire. Ah, pas du tout. Pas du tout. Il y a des persos. Mais niveau action et tout ça, il est bien. Mais il n'est pas fidèle au jeu. On est d'accord. Moi, c'est nanar. Ça me fait marrer plus que ça me passionne. Ouais, d'accord. Mais c'est un bon nanar. Ah, oui, c'est bon nanar. Même le premier. Je les ai tous vus. Ah oui, même le premier, ouais. Ah ouais. Moi, j'ai le coffret, j'aime bien. Moi, ça me fait rire, mais ça me... Attention, nanar, c'est pas forcément péjoratif, hein. Même s'il est pas bon, il peut être sympa. Mais moi, j'ai bien aimé. Moi, je te l'accorde. Alors, par contre, j'ai pas... Ça part dans tous les sens. Vas-y, on classera après. J'ai pas classé du plus vieux au plus récent. Ouais, il y a pas de soucis. J'ai vu il y a longtemps Double Dragon. Oui. Robert, ouais, bah c'est nul. Bah, il suit l'histoire. Je sais pas, je connais pas l'histoire. Ouais, mais non, c'est basique. Ah, c'est nul. Mais t'as... S'il y a un bon point dans le film, c'est Brandon Lee, non? Oui, Brandon Lee. Non, c'est pas Brandon. Si, non. C'est pas dans Double Dragon? Non, c'est pas Brandon Lee. Non, c'est pas Double Dragon. C'est un chinois, c'est pas vrai. Non. Oh, mais si, il suit l'histoire. C'est deux frères qui vont sauver. Ouais, non, mais en fait. Fille, quoi, c'est tout. Pour les biens du dossier, j'ai revu quelques passages de certains films pour me rappeler et tout. Je suis en cul, mais c'est si vieux que ça. En fait, non, c'était pas vieux, mais c'était quand même c'est mal fait. C'est vieux. Ah, après, voilà. mais c'est dans les années 90, mais t'as l'impression que le film il est des années 80, quoi. Non, il était pas bien. T'exagères, à ce moment-là, Mario, j'imagine que tu l'as mis. Ça, tu peux pas ne pas en parler. Juste après. Il est. Alors lui, il me dit pas que je suis l'histoire. On peut parler de Super Mario Bros. Voilà. Oh putain. Ça, c'est un art. Ah non, c'est carrément hors sujet. J'ai pas. Ça me fait même pas rire. Ouais, quand t'es gamin, t'aimes bien, forcément. Mais je suis sûr que là, je le regarderai. D'ailleurs, il y a un nouveau film Mario qui va sortir, qui a été annoncé. Ouais, je l'ai marqué. Ça a l'air sympa. Peut-être sympa. Mais tu vois, Super Mario, c'est. T'as un univers tellement génial avec Super Mario, ils ont fait n'importe quoi avec. Oui, c'est vrai que c'est un truc futuriste. Yoshi était super. L'espèce de gros dinosaure dégueulasse. Il est dégueulasse. C'est clair. Qu'est-ce qu'il faut à New York? Tu sais pas. Oui, d'accord. Non, je. Non. Need for Speed. Bon, basique, jeu de voiture. Je l'ai pas vu. C'est vrai. Ouais. L'histoire est pas mal. C'est des courses de bagnole, quoi. Ouais, bon, là après, c'était pas difficile. Je me suis peut-être endormi. Peut-être. C'est avec l'acteur qui joue dans Breaking Bad. D'accord. Le jeune, là. D'accord. Okay. Ouais. Pas mal. Tomb Raider. Je l'ai mis dans mes bestes. Alors, j'ai vu que ceux avec Angelina Jolie. J'ai pas vu le dernier non plus. Ah, il y en a eu un dernier ? Ouais, il y a eu. Voilà. Au moins, j'aime bien. Ouais. Le deuxième était moins bien. Oh, puis Angelina Jolie, quand même. Le deuxième était un peu. Ah, oui, mais tout le monde a ses références. Le premier était bien. On est d'accord. Celui-là. Ouais, moi, j'ai. Moi, j'aime bien. Après, on n'est pas des puristes du cinéma, on n'est pas des critiques. Voilà. Moi, de mes yeux à moi, oui. C'était sympa. C'est ce qu'il faut. J'ai noté Rampage. Je l'ai pas vu, mais on m'a conseillé de le voir. Il paraît qu'il est super bien. Terrible, il paraît qu'il est génial. Avec Joey, je peux pas dire qu'il est fidèle au jeu parce que le jeu c'est pas non plus. Et ouais, voilà. C'est très des gros monstres qui cassent des bâtiments de fou. Ouais, c'est. Il y a quoi? Il y a le loup-garou, le gorille et le lézard. Et le lézard. Ouais. Espèce de crocodile. Ouais, vraiment le ouais, truc. Ils ont les mêmes noms en plus dans le film. Ils ont des noms dans le jeu vidéo en fait. Ouais. J'ai joué sur Atari ST, ils avaient des noms et. Tu pétais des immeubles comme ça, machin et tout. Ah, ça je connais, on y a joué sur la Master System. Et il parle avec The Rock. Dwayne Johnson, The Rock. Ouais, dans les bests, c'est bien. Silent Hill. Oh, bah, dans les bests. Dans les bests. Tu l'as vu ça là? Je l'ai vu, on l'a vu avec toi? Oh, mais il y a longtemps. Ouais. Ce soir, on était resté chez toi avec Amandine pour le voir. Je sais que t'aimes pas les films d'horreur. Et je l'avais regardé celui-là. Il est excellent. Il est excellent. Le 1. Il fait flipper. Ah, il fait. Le 2. Je sais pas si vous l'avez vu. J'ai pas vu de part. Je l'ai vu, il est pas. Non, pas le mélon est sympa. Ah ouais. Puis t'as l'ambiance en fait du jeu. Ah ouais, ça c'est fort. Reste malsain comme dans le jeu et tout, non, c'est parfait. Ah ouais, excellent. Dans les bests, je peux en rajouter un. Je sais pas si tu l'as noté. Vas-y. Je parlerai de Street Fighter Assassin's Fist. Alors c'était une web série à la base. Je l'ai pas regardé, tu me l'avais conseillé, ouais. J'ai jamais regardé. C'était une web série faite par des amateurs. Et ils l'ont condensé en vrai film, et c'est traduit en français. Mm-hmm. Et c'est l'histoire de Ryu et Ken, quand ils sont encore avec leur maître Guki. Bon, bref. Et c'est là où tu vois Kakuma arrive et qu'il va le défoncer. Et là, tu vois leur histoire. Et ils doivent faire une suite, ouais. Et ça a l'air super sympa. J'ai pas vu, ouais, ça me parle. Non, franchement, tu me dis, ouais. Dans les bests, pour moi, dans les bests. Okay. Et après, j'ai du bon nanar. Ouais, je voulais faire une petite aparté. Continue. Hitman. J'ai pas vu. Mais j'ai pas vu. C'est terrible. D'accord, t'aimes bien le jeu, toi. Oui, t'as pas le jeu, t'as pas assez joué. J'y joue pas. Donc, c'est l'infiltration. J'avais prévu de le voir exprès pour le truc, j'ai pas le temps de le voir. Ouais. Pour moi, c'est l'infiltration. Ah bah. Ouais. Fidèle au jeu. Ok. Alors, on est en train de faire les biens, on est d'accord. Mais non, je fais un peu de tout, moi. Tu mélanges. Je fais pas de classe, moi. Moi aussi, quand même. Street Fighter. Lequel? Lequel? Avec Vandal. Oui, j'ai noté celui-là. Mais tu le mets dans quoi? Dans les biens ou dans les pas bien? Ah, il est dans les vieux. Bon. c'est des vieux trucs qui. Comme j'en discute avec Seb. Oui. C'est vrai, quand il repense, ça fait rire au final. C'est nanar. Mais la gueule de Bison, putain, tu peux pas mettre. Quand j'y pense, un acteur pareil, Bison. Non, Bison, c'est un putain de gros baraté démoniaque. C'est pas un espèce de psychopathe tout gringalé. Ouais, ouais. Puis je suis désolé. Enfin, j'adore Jean-Claude Van Damme. J'adore Jean-Claude Van Damme, c'est un acteur que j'adore. Les héros, c'est pas Gaël. Tu vas pas foutre Kai contre Bison, c'est pas lui le héros. Bah, t'as Ryu et Ken dans la dedans, il branle rien. En vrai scénario. C'est un nanar. Voilà, oui, mais en vrai scénario, on sait que Kai il veut choper l'organisation de Bison. Ouais, ouais. Shadow Run. Shadow Lou, voilà. Avec sa gâte et tout ça. Donc si tu peux avoir une histoire. Ah, bah y a des passages. Mais Shadow Lou, t'aurais pu la foutre en héroïne. T'as Ryu qui arrive et qui va se fighter contre Vega. Putain, tu dis ouais, c'est bon. Et là, t'as l'autre, il arrive, il défonce tout. Non, ah, mais battez-vous, c'est un jeu de baston, battez-vous sur la gueule. Non, c'est un nanar. Attends, ils se battent dans la ville, là, quand t'as Honda contre Balrog, je crois. Ouais, c'est pareil, ils mettent des bruits de Godzilla pendant qu'ils se fight. Non, c'est nanar. Ouais. Mortal Kombat. Je l'ai noté aussi. Il y a beaucoup de jeux de combat qui sortent en film. Mortal Kombat, je l'ai obligé. Si. Ah. Le 1, j'ai bien aimé. Ouais, c'est sympa. Au commencement. Christophe Lambert, j'adore en plus. Donc, ouais, bah ouais, moi aussi, mais j'étais drôle, je sais pas si je le regarderai encore. Et le 2, gros nana. C'est avec Katarina là. Peut-être pas vu le 2. Ah, le 2, il est. À se pisser dessus, il est tellement con. Mais j'avais sorti une série, j'avais commencé à la regarder. La série. T'as pas vu la série? J'ai commencé à la regarder, c'était naze. Qu'est-ce que c'est? Et tu veux savoir la fin ou pas? Oh, tu peux, vas-y. Je te spoil la fin. À la fin, eh ben c'est les méchants qui gagnent. T'as tout le monde qui crève, cool. Les méchants ils gagnent, ils finissent la série comme ça. Et Raiden, à la fin, t'as le Shao Kahn qui fait ah mais tu vois, je t'ai battu, j'ai gagné. Et puis t'as Raiden qui est là, tout le monde est mort. D'accord. Ah bah c'est sympa, ça change. Voilà. Moi je trouve ça sympa. Donc tu vois, si t'as mis ça, t'as dû mettre Tekken. Alors, j'ai pas vu Tekken. T'as pas vu le film parce qu'il y a des animations aussi. J'ai jamais vu une animation. Si, j'ai vu une animation. Ah, si. Iron Force. Donc, il y a eu une animation, mais il y a eu vraiment un film Tekken. J'ai vu un dessin animé, pas une animation. Une animation. Il y a aussi un de Tekken 2, ouais. Oui, ça c'est une cassette, celui-là, ouais, ouais. C'est une animation manga. Ouais. Le film à voir, hein, si tu veux rigoler un peu. C'est un nanar. Je m'en souviens plus. Moi, franchement, j'ai vu l'affiche, ça m'a pas donné envie de le voir. Non, bah non. Parce que Jin ressemble pas à Jin déjà, donc c'est pas. Enfin, je me serais bien qu'il peut pas ressembler. Trait pour trait, mais bon. En fait, hein, c'est une animation. Déjà que le film d'animation est pas si fou, enculé, si. Alors attends, je te coupe un peu. Vas-y, coupe. En film de baston, un excellent, par contre. Une bonne adaptation de film, Dead or Alive. Oh putain, je savais qu'il allait dire que c'était bien. Mais c'est sûr, je l'ai pas vu. Pourquoi dès qu'il y a une meuf, c'est bien. Mais c'est fidèle au jeu. C'est de la merde. Ah non, c'est non. Il y a des nains dans tous les sens. Oui, mais... non, mais c'est de la merde. Oh, moi, c'est ça qui m'a plu en fait. Ça part en vrille total. Le passage où elle jette son soutif là, oh, c'est trop bien. Ouais. Oui, non, le film est naze. Katsumi, qui l'autre, il l'empêche de partir. Qu'est-ce qu'elle fait? Je saute par-dessus trucs, je vole. Bon, je suis d'accord, tout n'est pas parfait. Cette actrice n'a pas assez de seins pour faire une héroïne. Si, c'est juste... Non, franchement. Elle a pas de puissance. On va mettre les choses au clair. Si tu veux voir des meufs, tu te mates un porno. Puis, mais c'est pas pareil. Là, c'est naze. Qu'est-ce que c'est naze, putain. On aime quand il y a du scénario. Non, frérot. Dis pas que c'est bien parce qu'il y a des meufs. C'est nul. Non, mais oui, c'est nul. Je troll, c'est bon. C'est horrible. Slip. Je suis pas content. Ah ouais, non. Qu'est-ce que c'est naze. Bon, voilà. Je savais que j'allais faire des émules. J'ai noté, c'est pas vraiment une adaptation de jeux vidéo en film, mais Pixel, j'ai noté. Ah non, ça sort sujet. Moi, je peux pas parler d'animation, tu parles pas de ça. On l'a dit l'autre jour, j'ai pas le droit de le dire. De quoi ? On a dit l'autre jour, j'ai demandé, tu sais, si tu peux le mettre, et une ours, il m'a dit non, t'as pas le droit. De quoi ? De mettre. J'ai pas dit, t'as pas le droit. Si, j'ai dit Max. J'ai dit si je peux parler. Scott Pilgrim, Pixel, tout ça. Si je peux pas parler d'animation, on parle pas de trucs, parce que c'était pas le sujet. Mais allez vous faire foutre. Donc, je peux parler d'animation après. Animation ? Non, tu parles pas d'animation, on parle de film. J'en parlerai pas. Ouais, Pixel. Il était bien. Ouais, avec Adam Sandler. Oui, c'est un nanar. Un bon nanar, oui, c'est un nanar. C'est un comique. C'est une comique. Oui, non, c'est un comique. Oui, bah. Pff. C'est hors sujet. Ça se prend pas au sérieux. Quand on en parle, parce que c'est hors sujet. Bah, on en parle du coup. Non, bah, tu l'as. Voilà. C'est bon, sois pas vexé. Toi aussi, détends ton slip. Vous allez tous détendre votre slip. Excusez-nous, c'est la fin d'émission, on est fatigué. Pour moi, en vue, ça sera tout. Je vous parlerai tout à l'heure des jeux, des films que je n'ai pas vus, au cas où. Bah, vas-y, enchaîne. Je te dis. De toute façon, oui. Il y avait Blood Rain. J'ai jamais vu Blood Rain. Petit aparté. Oh. Blood Rain. Il avait prévu le coup. Non, pas du tout, mais j'ai vu que c'était lui le réalisateur. Réalisé par un super acteur qui est très spécialiste de faire des putains de gros nanars de merde. Technos. J'ai nommé Uwe Boll. C'est qui ça ? Un Allemand, réalisateur, scénariste, producteur allemand. C'est lui qui a battu un journaliste à la boxe parce qu'il avait critiqué son film. Il a dit t'es pas content, viens. En plus, il était ex-boxeur. Ça a été. Et il t'a fait des films, je vais t'en dire un. Attends, Blood Rain, du coup, c'est lui. Postal. Qui est une adaptation de jeu. Ça me dit quelque chose, Postal. Eh ouais, c'est un espèce de vieux salaryman tout pourri, sa femme elle est grosse, il vit dans une caravane. Ah putain, celui qui a fait Rampage en 2009. Bon, il a fait beaucoup. Ce mec, il ne fait que des nanas. C'est son super pouvoir. Ah oui, Rampage. Donc, ils sont très forts dans les nanas. Il en avait plus. Hein. Enfin voilà, Alone in the Dark, par exemple, Far Cry. Ouais, c'est que des jeux vidéo. Ah oui. House of the Dead. Voilà, c'est tout. C'était un petit aparté. Si vous voulez un réalisateur nanar. Uwe Boll. Il y avait Assassin's Creed, que je regrette de ne pas avoir vu pour le moment. Je l'ai pas vu non plus. Ah, une bonne adaptation. Prince of Persia. Je l'ai excellent. Vu, parce que, je parce que tu me parles d'Assassin's Creed. Je l'ai vu, c'est vrai. Excellent, Prince of Persia. J'ai adoré. C'est terrible. Et Assassin's Creed est sorti ? Oui, je l'ai. Je l'ai encore tourné, je n'ai pas le temps. Bah ouais, bah moi non plus. Et Prince of Persia, excellent. Ah ouais. Je suis très très bien le. Même l'acteur je... L'acteur, je l'attendais pas là-dedans. Il joue très très bien. Pas l'acteur. Bien aimé. Ensuite, il y a Tekken qu'on a parlé, Dead or Alive, et j'ai vu qu'ils avaient fait un Devil May Cry. Ça me parle pas du tout. Je l'ai pas trouvé. C'est un film d'animation. Sûrement. Non, un film. En film, ça devait être un truc japonais. Bah, je sais pas, c'est quand même bizarre. Là, non. Moi, le seul bon que t'as pas cité, c'était Final Fantasy Advent Children. FF7 Advent Children. C'est pas un film. Ah ouais, c'est pour ça, moi je l'ai mis. Hein. Moi je l'ai mis. Mais... C'est pas un film. C'est pas si prononcé c'est un film. C'est de l'animation. Bah oui, c'est un film. Bah non, c'est pas un film. Bon, bah là, c'est une animation. Alors j'ai rien dit. Bon, foiré. Bah, c'est ça, c'est un film d'animation. C'est pas des vrais acteurs. Le temps que Nour s'y cherche, sinon moi j'ai des mauvais aussi que t'as pas cité. Bah vas-y, je te laisse la parole. Max Payne. Si je l'ai vu, c'est loin. Max Payne. Contre-attaque. Très violent et. Alors, j'ai plus le nom de l'acteur, un acteur super connu en plus. Représente pas du tout le Max Payne. Le Max Payne, c'est le mec qui arrive un peu, c'est badass, tu vois, qui se la pète et tout machin. C'est là contre. C'est pas dans ses punchlines et tout ça. Et là, en fait, c'est un mec dark et dépressif. J'ai pas aimé. Okay. Doom, avec, comme tu disais, The Rock et Dwayne Johnson. Je l'ai pas vu. Très long. Il fait l'effort de bien être adapté du jeu. Ouais, mais alors les scènes, c'est gavé long entre les scènes. Après, voilà. C'est violent, en fait, film. C'est gavé long entre les scènes. Le petit clin d'œil en FPS, c'est rigolo. Donc, du coup, comme t'as dit, j'ai pas le droit de citer Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Je te coupe, c'est Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, merci. Il ressemble à quoi, lui ? Celui qui a fait un braquage à l'italienne. Ah ouais. Voilà, ouais, tout à fait. Il est pas mal, lui. Si, attends, mais il est excellent, là, les créatures de l'esprit. Oh, il est naze. Bah non, il est bien. Ah non, il est naze. Non, parce que tu le prends comme un Final Fantasy, mais il est bien. Ah, mais si tu t'appelles Final Fantasy, les créatures de l'esprit, pour moi, t'es un Final Fantasy. Bah, il est bien. Appelle-le le créature de l'esprit, le scénario est super, technologiquement. On parle du film d'animation, là ? Oui. D'accord. Non, mais moi, je suis pas d'accord avec toi. Il est très bien. C'est un très bon film. Si. Mais je le regarderai pas. Bah moi si, je peux, il est super bien. Adventure Land est plus mauvais. Voilà. Ça m'a étonné que Guise l'ait pas vu. D'ailleurs, tu pourras faire tes recherches parce que j'ai encore bouffé le nom de l'actrice. Street Fighter, la légende de Chun-Li. Ça me dit quelque chose. Avec l'actrice qui joue dans Smallville. Elle est bonne. Elle a l'air ? Oui. Ah bah alors, ouais, je crois que... Bon, totalement hors sujet. Il doit être bien ce film. Ah, totalement hors sujet. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'elle est bien en Chun-Li ? Non, même pas. Ah bon ? Faut voir des images. Franchement, non. T'as trouvé. Ouais, dans les FF, Kingslave de FF15, l'intro de FF15. Ah non, j'ai tu l'as pas vu ? Non, je l'ai pas vu. Il est très sympa. Bon, tu vois rien. Ouais, bah c'est nul. Et c'est donc, la patch de fin. Non. D'accord. Non, c'est pas jouable. Okay. Non. D'accord. Bah, tu veux le nom de l'actrice, c'est ça ? C'est Christine Craig, je crois. Ouais, c'est voilà, c'est un truc comme ça. Quoi. Voilà, donc non, j'ai pas aimé du tout. C'était, voilà, comme je dis, hors sujet. Sorry. Et c'est tout pour moi. Si t'en as d'autres. J'en ai 2, 3, 4. Tout. Bah, ouais. Ah bah après t'as tout cité donc. D'accord, ah bah ok. Attends, donc voilà. Moi j'ai Warcraft qu'on n'a pas parlé, le film d'animation. J'ai pas vu. Ouais, animation, c'est pas que de l'animation. Là, c'est pas que de l'animation Warcraft. C'est un bon film, il se laisse voir. T'as un peu la genèse de Warcraft. Alors faut pas se dire que c'est dans le monde de World of Warcraft. C'est comment les orques ont débarqué sur Terre. Oui, tu vois pas un film où il y a des quêtes et tout ça. Ça va être avec des PNJ. Compliqué. Non mais bon, j'ai bien aimé. Ça aurait pu être sympa. Un film aussi adapté d'un jeu, ça, Angry Birds. Alors le jeu, il n'y a pas de scénario, mais le film, il fait délirer. C'est un dessin animé. C'est un film d'animation. Tu l'as vu ? Non. Regardez-le avec les drôles, c'est trop délire. Une série ? Ouais, j'ai vu. Non, mais la série, elle a chié parce que c'est nul. Là, le petit yeux rouge, là, il pète un plomb. Il est comme toi. Il s'énerve pour tout. Je te jure. Je l'appelle Fufio, celui-là. Il est à mourir de rire. À voir. Sinon, on n'a pas parlé des films à venir parce qu'on a j'en ai noté 3. Je peux ouvrir le bal ou pas ? Vas-y. Moi j'ai noté Monster Hunter avec Mila Bonovic. Prévu pour Tony Jaa. Celui qui fait Hank Back. Ouais. Ah ouais. Moi je. Ouais. Mais j'ai entendu Mila Bonovic. Par le réalisateur de. Comme ça. Par le réalisateur de Resident Evil. Bah pourquoi pas après. Ouais, étant donné que bon, j'ai bien aimé. Ça sera un bon honneur. Ah bon ? Non. On a Uncharted aussi qui doit sortir. Ouais. Curieux. Je l'attends, celui-là. Bon, j'espère que si c'est comme le jeu où c'est pam pam boum boum, ça va chier. Avec Tom Holland, faites de l'exploration. C'est un jeu d'action, mec. Oh, mais non, mais jeu d'exploration. Moi. L'acteur, c'est Tom Holland, c'est celui qui fait Spider-Man. Putain, actuellement. Et Indiana Jones, il n'y avait pas du pam pam boum boum tout le temps. Donc tout le monde a dit oui, mais non, mais ça va pas. Il ne correspond pas à la. Ouais. Mais apparemment, ça, il parlerait de la jeunesse de Nathan Drake. Faut faire l'essai. Donc c'est pour ça qu'ils ont pris un acteur un peu plus pas très musclé et tout. Je ça. Je pas de pam pam. Tu peux vérifier, ça a été annoncé. Parce qu'on regarde Indiana Jones. C'est bien Tom Holland qui fera. Il n'y a pas de pam pam, mais il est très bien. C'est un explorateur, le mec. Ah oui, c'est le Lara Croft masculin. Ouais. Il n'y a pas que du pam pam. Bon, bref. Et après, il y a du Sonic qui a été repoussé. À voir. Voilà. Ça, je pense qu'on a droit à un bon nana. Comme le disait Guise ou toi tout à l'heure, il y a aussi un Mario Bros. Non, c'est toi qui l'as dit. Qui va sortir, oui, j'en ai parlé. Ouais. Un Splinter Cell. Ok. Avec Tom Hardy dans le rôle de Sam Fisher. J'ai vu passer l'info, apparemment ça a l'air d'être du sérieux à Minecraft. Ah. Bon, bon, là. Alors là, je vois pas ce que tu j'ai cherché pour voir si c'était vrai, mais beaucoup disent que oui. Mais donc... Et plus étonnant, mais ça a été vraiment annoncé par le réalisateur lui-même, Portal. Portal. C'est, c'est J.J. Abrams qui le ferait lui-même en personne. Ça me dit quelque chose, J.J. Abrams. J.J. Abrams, bon, il a fait plus récemment Star Wars épisode 7. C'est un bon réalisateur. Mais ça, non, c'est un super réalisateur et tout ce qui est science-fiction en plus, il est très fort là-dedans. Donc... Attends, on n'a pas parlé de Ready. Moi, ça me ferait plaisir. Ouais, moi aussi, on va voir. Portal. Portal. Pourquoi ça me ferait super plaisir. On parle de Ready. Ready Player One, vu que. Ouais, mais non, on l'a pas vu, parce que Mike n'est pas venu. Je suis d'accord, mais si on parle de Pixel, on aurait pu. Il y a un petit peu que des références. Tu aurais pu parler de Scott Pilgrim. Du monde de Ralph. Aussi. C'est un dessin animé. Ah là, c'est les deux, en plus. Non seulement c'est un dessin animé, mais en plus c'est un truc. Alors là, j'avais tout bon sur les deux. Scott Pilgrim, je suis désolé, ça parle pas réellement de jeux vidéo. Non, c'est. Beaucoup ça utilise des mécaniques de jeux vidéo. Ouais. Et il est super. Je connais pas du tout. Non, c'est bon, il faudra que tu le voyes. Ouais, c'est marrant. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, monsieur ? Ça se prend pas au sérieux. Sur les films ? Non, moi j'ai fait mon tour. En tout cas, il y a des bons, il y a du pas bon à voir. Il y a de tout dans ce genre de. Il faut de tout pour faire un monde. Voilà. Ça, c'est vrai. Mais non, si vous avez pas vu. C'est Willy qui le disait. Je reviens dessus. Si vous avez pas vu Mortal Kombat 2, regardez-le, vous allez vous poiler. T'inquiète. Je vais pas perdre mon temps. Voilà, pour moi, c'est fait. C'est fini. Eh bien, pour moi aussi. Eh bien, voilà qui clôture enfin la sixième émission de Mes Geeks et moi. On avait peur de dépasser les deux heures. On n'y est pas. À 5 minutes près, mais je vais m'éclater au montage. Hein. Ouais, 5 minutes moins toutes les coupes. Ouais, on va taper dans du 1h50. Impeccable. C'est super. Il faut bien qu'ils aient de quoi écouter. Eh ben voilà, écoutez bien. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Allez, à bientôt. Salut. Salut. Hey, non, il y a un truc qui va super bien avec la bière. Tu vas voir ce que c'est. C'est du petit saucisson. Alors dépêche-toi d'arriver, sinon je vais te manger.